Stephen King aime les pulls à rayures rouges et blanches. Stephen King aime les licornes. Stephen King a écrit Charlie. Et comment s'appelle ce connard? Merde. Et Mark L. Lester. Et Mark L. Lester l'a adapté. C'est vraiment pas très gentil pour un bon film. Oui, bon, ça va, il avait qu'à avoir un nom que je retiens. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Bah écoute, moi, tu m'as pas traité de connard, donc ça va. Oh, attends la fin de l'épisode avant de dire ça. Voilà. L'enregistrement peut être long. Du coup, démerde-toi au montage avec ça. Tu gardes ton insulte de base ou pas? Je verrai. Ça va, et toi? Ça va. Quoi de nouveau de ton côté depuis la dernière fois qu'on a enregistré? Alors attends, la dernière fois, il se passait quoi? La dernière fois, je crois que j'étais encore en vacances. Ouais, t'allais reprendre la dernière J'allais fois. J'allais reprendre. Bah là, je suis toujours en vacances, mais parce que je suis en mise à pied. Voilà. C'est différent quand même. Ouais, c'est encore plus de gauche. Vraiment, les auditeurs qui vivent ma vie doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il bosse jamais, en tout cas. Ça fait 10 épisodes que t'es en vacances, ou que tu vas être en vacances, ou que t'es en arrêt. Oui, bah écoute, j'ai eu l'entreprise, voilà. On sait jamais s'ils écoutent et qu'ils utilisent ça comme preuve. Je vais rien dire. Ouais, ne disons rien. Il y a peut-être des fans de Stephen King dans ton entreprise. Mais voilà. Il dit du bien de Stephen King, on va lui laisser sa chance. Il y a des soucis, quoi, voilà. La dernière fois, c'était avant La Nuit Nanarlande aussi, du coup, où on est oui, allé depuis. Et c'est on, vrai. On peut dire que c'était effectivement vraiment très bien. Ah bah c'était encore une fois une nuit incroyable, faite de rires, de chants, de serpents, de Philippe, de rouge. Et de pieds qu'on met où on veut, et ouais. Surtout dans la gueule. Ah, on avait le feu, on brûlait de partout hein, pendant cette période. Ah oui, on brûlait de partout, oui, effectivement. Non, c'était un très bon moment, comme d'habitude, hein, de toute façon. Hélas, c'était a priori l'avant-dernière, il y en aura encore oui. Une en 2027, mais voilà, si vous voulez profiter de cet événement, celle de 2027, il ne faudra vraiment pas la louper. Alors en nuit, parce que sinon il y aura toujours les soirées excentriques un peu partout en France, mais voilà. Oui, effectivement, mais c'est, je pense que c'est différent quand même niveau ambiance. Après, on peut toujours espérer que l'équipe Nanarland se la joue vieux rocker ou vieux chanteur français et fasse 150 tournées d'adieu, tu sais. Ah oui, ce serait pas mal. Sinon, pour les news liées à King, il y en a principalement une qui va nous intéresser, c'est la sortie, au moment où on enregistre, très proche de Marche ou Crève, qui sera sorti au moment où l'épisode sera diffusé, pour le coup. Oui. Il y a eu des avant-premières, déjà, et les retours sont plutôt très très positifs pour le moment. Alors après, les retours avant-premières, on sait ce que c'est souvent les gens qui ont envie de voir le film, donc un public plutôt déjà conquis de base. Oui. Mais tout de même, c'est pas si fréquent qu'il y ait d'aussi exceptionnels retours sur un King. Et quoi qu'il en soit, ça nous réjouit tous les deux que ce film sorte avant la fin du podcast, parce que ça fait partie des romans spoilers qu'on aime beaucoup. Oui, voilà. Ça nous donnera l'occasion d'en parler. Et puis, ça fait partie de ceux dont on parle depuis les débuts du podcast, pour ceux les projets et rumeurs d'adaptation de Marche ou Crève, ça fait une éternité qu'il y en a. Ah oui, des années, oui. Donc, on est content que ça se fasse. Je crois que c'est celui où il y a le plus de rumeurs qui se fait enfin. Et l'autre où il y a beaucoup de rumeurs, mais qui s'est toujours pas fait, c'est La Petite Fille qui aimait Tom Gordon, où pareil, ça revient depuis 10-15 ans régulièrement. Ouais, c'est un marronnier des adaptations de King. Alors à la base, ça devait être Romero qui devait l'adapter, c'est dire si ça remonte. Il est quand même mort depuis quelques années, Romero, maintenant. Oui, effectivement. Mais donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Charlie. Enfin, le premier film, celui de oui. 1984, donc réalisé voilà. Par Mark Lester, j'ai retenu son nom. Ça sera la dernière fois qu'on parlera de Charlie, du coup. Oui, effectivement, pour l'instant, parce que sinon, l'univers Charlie, on en a déjà parlé deux fois, avec l'espèce de téléfilm suite bizarre, Firestarter, sous l'emprise du feu, et avec le film qui est sorti il y a quelques années, Avec Zac Efron. 2023, 2024, je ne sais plus. 2022, je crois. Ah, même 2022, ouais. Ces deux-là, on les a déjà faits et on avait parlé du roman qu'on aime beaucoup justement à l'occasion de l'épisode sur Firestarter sous l'emprise du feu. Donc ça fait 70 bons épisodes, hein. C'était quand même nos ouais. relatifs débuts. On va spoiler le roman et le film parce que pour le coup, contrairement à celui de 2022 qui s'en éloignait pas mal, le film de Lester est assez proche du roman. Mmh. Donc spoiler l'un, c'est spoiler l'autre. Et je propose qu'on y aille maintenant. Eh bien, allons-y. Charlie McGee is a happy, healthy little 8-year-old girl. Normal in every way, but one. Well, what is it you really want? That my involvement with this child, Charlene, will not end by my bringing her. No, no, it's just the beginning. Charlie has the power. She can set things on fire with just a glance. Do something bad? Will you still love me? Oh, Charlie. She's very beautiful. She's very young. Yet inside her is the power of the gods. It is a power she does not want. A power she cannot control. We haven't got her yet. We'll have her. Show me your warrant and get the hell off my land. We don't need a warrant. And each night she prays to be just like every other child. But there are those who will do everything in their power to find her, to control her. We're going to be close, she and I. Oh, yes. We're going to be very close. And maybe to destroy her. You're gonna have to burn it down, honey. Burn it all down. Charlie McGee is Stephen King's Firestarter. Charlie, pour rappel, nous raconte l'histoire de Charlie McGee et de son père qui fuit le gouvernement et surtout la boîte dans le gouvernement, une organisation secrète qui mène des expériences scientifiques diverses. Parce que quand ils étaient jeunes, le père et la mère de Charlie ont vécu ont été sujets à des expériences pour gagner un peu d'argent et ont développé de légers pouvoirs. Et le père peut diriger les gens par l'esprit et la mère a d'autres petites capacités. Le souci, c'est que leur fille, elle, a des pouvoirs très très puissants de pyrokinésie et le gouvernement veut la récupérer pour faire des expériences ou pour l'arrêter. Et ils sont poursuivis notamment par un tueur à gages appelé Rainbird, qui semble fasciné par Charlie. L'adaptation de Charlie, c'est un projet qui est lancé par Dino De Laurentiis, qui croyait pas mal en ce projet. Après, il sortait du succès de Dead Zone, donc ça avait probablement joué. Il avait payé 1 million de dollars pour les droits de Charlie, semble-t-il. La première personne rattachée au projet, c'est John Carpenter, et il va travailler sur un scénario avec Bill Lancaster, son scénariste de The Thing, au cours de la production de The Thing, justement. Apparemment, King a pu lire ce premier scénario, et il en était relativement satisfait, même s'il évoquait des changements dans l'intrigue, et comme régulièrement quand King évoque des changements par rapport à l'œuvre originale, il se montrait un peu réservé. Parmi les changements, je reviendrai un peu plus, mais celui qu'il signale notamment, c'est que le personnage de Rainbird est un personnage féminin dans ce premier projet d'adaptation. Mmh. Dans le rôle d'Andy McGee, on évoque l'acteur Richard Dreyfuss. Le scénario est retouché ensuite par Bill Phillips, qui travaillait aussi avec Carpenter sur le développement d'un autre projet qui n'a pas abouti. Ça aurait dû être un film d'aventure maritime qui ne s'est pas fait. À l'époque, le film devait être produit également par Universal et le budget envisagé, c'était 27 millions de dollars. Mais l'échec de The Thing au box-office va pousser le studio à réduire le budget à 15 millions. Et Carpenter refuse de faire ce sacrifice et de faire le film pour un aussi petit budget que ça. D'autant que Carpenter, c'est un petit malin, il négocie pas trop mal ses contrats. Il avait un contrat « pay or play ». En d'autres termes, ça veut dire que le projet, se fasse ou non, il était payé pareil. Ouais. Donc bon, bah, quitte à être payé pareil, autant en plus ne pas bosser. Bah oui, clairement. Pure mentalité de Carpenter, ça, de toute façon. Est-ce que tu sais face à quoi The Thing s'est planté? Quelle était la principale concurrence en face C'était de lui. C'était E.T. dans mon souvenir. Ouais. Ouais. Un autre film d'Alien, du coup, mais d'Alien gentil. Oui, et avec Drew Barrymore. Drew Barrymore. Le scénariste Bill Phillips dit que dans son scénario, il avait essayé de mettre le moins d'effets pyrotechniques possible pour que ça n'ait pas l'air cheap. Déjà, avec 27 millions, ils avaient pensé à ça. On verra que, en effet, peut-être dans le produit final, les effets pyrotechniques sentent un peu le manque d'argent. Et donc, le producteur unique, finalement, ce sera Dino De Laurentiis qui décide de mettre en place un film au budget donc assez modeste, tandis que Carpenter, lui, va partir faire une autre adaptation de King, puisqu'il fait Christine. On peut accéder assez facilement au PDF des scénarios de Lancaster, puis au scénario de Bill Phillips d'après celui de Lancaster. Globalement, les deux, on peut signaler qu'ils sont chronologiques. Ils commencent avec les expériences sur Andy et Vicky jeunes, et après tout se déroule dans l'ordre, là où le roman et le film terminé ont une structure par flashback. Le début est assez long, justement, avec les expériences du Lot 6 et les premières semaines de Charlie, là où elle brûle une peluche dans son berceau, etc. Enfin, tout ce qui est expliqué dans le roman, là, ça se déroule. Et il faut admettre que ça prend quand même un peu de temps avant que ça démarre vraiment. Globalement, c'était un script qui était prévu pour être pas mal plus violent que ne l'est le film terminé, notamment la scène chez les Menders. Charlie faisait vraiment un massacre en faisant fondre des gens sous l'effet de la chaleur. Enfin, la description dans le scénario est très graphique. Ouais. Toute la partie qui vient après la ferme chez les Menders, justement, était pas mal plus longue. Tu sais, quand Andy et Charlie se retrouvent dans un petit chalet, normalement, dans le roman, ils y passent l'hiver dans ce chalet. Oui. Il y a plusieurs mois qui passent et c'est un moment de pause. Et ça, c'était respecté dans les deux versions du scénario initial. Tandis que le film terminé sera beaucoup, beaucoup plus cut sur cette partie-là. Le personnage de Rainbird est en effet féminisé, mais en fait il est mélangé un peu au personnage du docteur normalement dans le roman. En fait, les deux personnages sont combinés en un seul, donc qui s'appelle le docteur Rave dans celui-ci, et qui est à la fois fasciné par Charlie et qui en même temps cherche à la tuer pour empêcher son danger. Le scénario de Lancaster se terminait sur Charlie qui vient de détruire la boîte et qui s'éloigne à cheval au milieu des flammes. Tandis que dans le scénario de Bill Phillips, Andy survivait à la fin. Ah tiens. Et la mort de Ravi est particulièrement sanglante, donc la mort de Rainbird. Et après l'apocalypse, le gouvernement met l'ensemble de la catastrophe sur le dos du capitaine Hollister en disant qu'il était devenu fou et qu'il avait pété un câble. Et effectivement, il y avait tout un côté un peu comique autour de Hollister sur la fin, qui, quand il est poussé par Andy, en fait, devient un peu fou. En fait, il y a l'idée dans les deux scénarios que quand Andy utilise ses pouvoirs, il plonge ses victimes dans une sorte d'état psychologique instable où elles se mettent à avoir des visions, des phobies, etc. Mm. Et la fin du film, du deuxième projet de film, c'est Andy et Charlie qui arrivent sur un plateau télé pour raconter leur histoire, ce qui donc rejoint un peu la fin du roman et la fin du film fini, oui. Sauf que là, Charlie est toute seule et va dans un journal. Elle n'est pas toute seule, elle est avec le fermier. Alors, dans le film, elle est avec le fermier, dans le roman, elle est toute seule, pour le coup. Elle retourne un peu chez les Menders, mais elle est toute seule au moment où elle va au journal, dans le roman. Mais effectivement, dans le film, elle est avec Irv Menders. Une fois Carpenter parti et le budget réduit, le réalisateur choisi, c'est Mark Lester, qui avait fait deux ans plus tôt Class of 1984 et qui fera plus tard Commando. Oui. Donc, globalement, un faiseur. Même si dans Class of 1984, il était pas mal impliqué, c'était un projet qui venait vraiment de lui. Le reste du temps, il l'avoue lui-même, c'est plutôt un réalisateur à qui on propose un projet et qui dit toujours oui et qui fait de son mieux avec ce qu'il a. Mais un faiseur plutôt efficace dans l'ensemble. Au départ, De Laurentiis le contacte pour lui proposer de réaliser L'année du dragon, mais le renvoi de Carpenter de Charlie fait qu'il y a besoin de trouver assez vite un réalisateur pour ce projet-là, c'est pour ça qu'il va changer. Et pour Mark Lester, les, au final, a priori, donc soit 12, soit 15, j'ai vu les deux, millions de budget sont une grosse somme, la plus grosse qu'il ait jamais eu, en fait, à cette époque, pour faire un film. Il faut reprendre le scénario depuis le début, d'une part parce que Dino De Laurentiis se plaignait un peu que ce soit pas plus fidèle au roman de King et qu'il n'y ait pas plus d'action, et d'autre part parce qu'ils avaient l'impression que le scénario de Carpenter coûterait trop cher, donc ils appellent Stanley Mann pour écrire un nouveau scénario. Mann, c'est un scénariste déjà vétéran à l'époque, il est né en 1928, il est actif depuis la fin des années 50. On peut citer son travail sur La Malédiction 2, par exemple, qui est un film plutôt pas mal, sur Le Cercle de Fer, et la même année que Charlie sur Conan le Destructeur, que je n'ai pas vu, je crois. Donc c'est le second film Conan. Ouais, c'est ça. Voilà, donc pas le très bon. Non, c'est... Voilà, pas celui réalisé par Fleischer, il me semble. C'est Richard Fleischer, le premier Conan ? Il me semble, non ? Ah, je revérifie, tiens. Non, c'est John Milius. Ah, c'est Milius, pardon. Ah bah du coup, Fletcher, c'est le second, alors. C'est possible. Oui, Richard Fletcher. Ah, surprenant, parce que Fletcher, c'est plutôt un bon faiseur aussi. Alors oui, mais en termes... Et c'est pas son seul film Heroic Fantasy, puisqu'il a fait une adaptation de Red Sonja. Et c'était pas très bien non plus. Hein. Ouais, c'est peut-être pas son truc, quoi. Voilà, Kalidor, c'était Kalidor, la légende du talisman. Ah oui, je crois même qu'il est sur Nanarland, celui-ci. Et c'était pas fameux, quoi. Donc c'est pas son... Voilà, c'est pas là où il est le plus appréciable, Fletcher. D'accord, bah j'ai pas vu tout ça. Pour ceux qui voient pas, on parle quand même du réalisateur de Soleil Vert. Oui. Donc c'est quand même pas n'importe qui, Fletcher. Et du Voyage Fantastique, qui est très bien. Voyage Fantastique, et de... il me semble que c'est lui, le 20 milieux sous les mers de Disney, le vieux film. Oui, effectivement, ouais. C'est oui, le co-réalisateur de Tora, Tora, Tora. Moi, oui. Je suis pas fan de Tora, Tora, Tora, mais bon, ça a quand même un certain standing, donc voilà. L'étrangleur de Boston, l'étrangleur de Wellington Place, Les flics ne dorment pas la nuit, que j'ai découvert il y a peu, qui est vraiment un excellent film. Donc non, c'est quand même un très très bon réalisateur, en dehors de ça. Assez touche-à-tout, hein, parce qu'il a aussi réalisé l'horrible Amityville 3D. Hein. Rappelons-le. Sérieux? Ah oui. Ah ouais, ouais, effectivement. Donc oui, il fait un peu de tout, Richard Fletcher. Et c'était pas toujours un compliment. Voilà. Donc voilà pour le scénariste. C'est amusant de noter que pendant un temps, le capitaine Hollister aurait dû être joué par Burt Lancaster, donc qui est le père de Bill Lancaster, donc le scénariste de la première version rejetée. Mm. Mais Burt Lancaster a été opéré du cœur au moment du tournage et donc il n'a pas pu participer. C'est le premier film que Dino De Laurentiis filme dans ses nouveaux studios en Caroline du Sud, à Wellington, où il avait l'intention de mettre en place des studios qui puissent faire concurrence à Hollywood pour des budgets bien plus réduits, avec une équipe qui est en partie composée de personnes locales pour former des gens, et de vétérans hollywoodiens et italiens justement pour superviser l'ensemble de ce petit monde et pour leur amener des trucs du professionnalisme. Le tournage dure du 12 septembre au 26 novembre 1983, ce qui n'est pas tant que ça pour ce qui est quand même un gros film avec pas mal de scènes à effets spéciaux. Effectivement. Le rôle de Charlie est interprété par Drew Barrymore, tout juste auréolé du succès de E.T., ouais. Du coup, qui venait de faire concurrence à The Thing. Parce que je comprends, voilà. En même temps, les familles, tu vois, t'es avec tes enfants, ils ont 5-6 ans, tu te dis, oh, on va voir quel extraterrestre, on va voir le petit mignon ou celui qui tue les gens dans l'Antarctique. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'elle a pu dire, alors à l'époque du tournage, donc la toute petite Drew Barrymore, c'est que Dino De Laurentiis est a priori très sympa. Okay. C'est pas un avis que tout le monde partage, à mon avis. Non, effectivement, il est plutôt réputé pour être un producteur plutôt casse-couille sur les plateaux. Ouais. Alors après, peut-être que lui au moins maltraite pas les enfants, ce qui serait déjà oui, pas voilà, mal, peut-être qu'il a été très sympa avec elle, c'est fort possible. Et elle évoque aussi qu'elle a failli être gravement brûlée. Bref, un tournage parfaitement normal. Tu peux être casse-couille sur les tournages sans atteindre le niveau d'un Weinstein, quoi. Voilà. Ah oui, non, je pense pas que c'était un Weinstein. Enfin, je sais pas de tant de choses que ça sur De Laurentiis, mais a priori, c'était juste... je le classerais plutôt dans la même catégorie qu'un Cormand, en fait. Oui, voilà, c'est un peu tentaculaire à vouloir un peu gérer tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, à pas trop laisser les mains libres au réalisateur à qui il confie ses projets. Ouais. Il y a eu des exceptions, mais parce que des fois, il faisait des projets purement artistiques, genre c'est lui qui produit Blue Velvet. Ouais. Mais ouais, c'est plus une exception que la règle. C'est ça. C'est lui aussi Orca, il me semble. Je crois que c'est une production de Laurentiis. Je crois, ouais. Ouais. Andrew, il est interprété par David Kiss, plutôt en début de carrière à l'époque. J'ai noté des trucs rigolos, par exemple, un film dont je ne savais pas du tout l'existence, mais il a joué dans un film qui s'appelle Heartbreak Hotel de Chris Columbus, où il joue le rôle d'Elvis Presley. Le film, en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui enlève Elvis pour qu'il puisse chanter à l'anniversaire de sa mère blessée, qui est okay. Ultra fan d'Elvis. D'accord, bon, bah, pourquoi pas, le résumé est rigolo, et Chris Columbus, c'est quand même régulièrement sympa, du moins à l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Et il joue aussi dans L'Indien du placard. J'ai l'impression qu'on a quasiment à chaque épisode un mec qui a joué dans L'Indien du placard, je sais pas pourquoi. Et il a joué aussi Jack Murdock, donc le père de Daredevil, dans le film Daredevil. Non, parce que du coup, t'es passé sur Drew Barrymore, mais tu as oublié de mentionner qu'on a déjà parlé d'elle. Ah oui, oui, c'est pour ça que j'ai pas plus insisté sur Drew Barrymore, c'est parce qu'on en a déjà parlé à l'occasion de Cat's Eye, voilà. Qui est une autre production des Laurentiis d'ailleurs. Donc effectivement, si vous voulez en savoir un peu plus sur Drew Barrymore, allez voir Cat's Eye. Je crois que la différence majeure, c'est qu'un an est passé entre le tournage de Charlie et le tournage de Cat's Eye, et que c'est dans cet intervalle-là qu'elle devient alcoolique. Voilà. Ouais. Cat's Eye, réalisé par Lewis Teague, que lui aussi, on a déjà abordé dans ce podcast. Le monde est petit, quand même. Et dont on va peut-être reparler dans pas très longtemps. Spoiler, spoiler. Dans un autre podcast, attention. Il n'y a pas de spoiler, les gens le savent. Pour oui. Notre podcast. Oui, mais ils savent pas quel film ils vont faire. Maintenant, normalement, ils sauront. Oui. Vu le thème du prochain podcast, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, il y en a un qu'on a déjà abordé, donc on ne va pas le refaire. Donc bah voilà. Ils sauront s'ils ont l'œil, en tout cas. Oh. Rainbird est interprété par George C. Scott, pour lequel De Laurentiis aurait accordé une rallonge de budget tellement il avait envie de l'avoir. Le but, c'était d'avoir un acteur un peu... Bah, oscarisé, déjà. De panache, voilà, oui, à mettre en avant pour vendre le film en plus de Drew Barrymore. Qu'il fasse bien, quoi, qu'il fasse pas que production de série B, attention, regardez, voilà. Ouais, voilà. Crac, badaboum, il arrive. Alors, oscarisé, même s'il y a un petit truc particulier avec George C. Scott, parce que effectivement, c'est lui le rôle principal, le rôle titre dans Patton, et l'Académie des Oscars veut lui décerner le prix du meilleur acteur, mais il le refuse. Donc techniquement, si on s'en fie, si on respecte l'avis de George C. Scott, il n'est pas oscarisé. On a voulu l'oscariser, mais il ne l'est pas. C'est vrai. Parce qu'il aimait pas l'idée de mettre en compétition des performances d'acteurs. Sa carrière au cinéma, globalement, elle rencontre des aléas. Par contre, il va avoir une carrière plutôt à succès au théâtre, pas mal dans des mises en scène de Mike Nichols, notamment pendant les années 80. Par la suite, on peut mentionner qu'il joue dans L'Exorciste 3, qui est un chouette film. Il joue le rôle principal dedans. Un jour, Issam, va falloir qu'on remette un peu sur le devant L'Exorciste, parce que tout le monde dit qu'il n'y a qu'un seul film, alors qu'en fait, franchement, les trois premiers sont vraiment bons, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une bonne trilogie, donc effectivement, un jour, faudrait s'occuper de cette injustice. Et il meurt en 99, comme acteur, il est mort relativement jeune. Oneless, le docteur, il est joué par Freddie Jones, qui est le père de l'acteur Toby Jones, qu'on a pu voir dans The Mist, par exemple, où il jouait le patron du magasin. Oui. Freddie Jones, c'est un acteur de rôle secondaire et tertiaire dans plusieurs Lynch de l'époque, dont d'une, ce qui explique peut-être qu'il se retrouve ici, puisque ça veut dire qu'il était dans le giron de Laurentiis vers cette période-là. Et globalement, c'est un acteur très actif tant au cinéma qu'à la télévision, et il a terminé sa carrière dans le soap britannique Emmerdale, où il joue pendant des années en apparaissant dans un peu plus de 700 épisodes. Ah oui, quand même. Ah oui. Hollister est interprété par Martin Sheen, qu'on a déjà rencontré dans Dead Zone, donc autre film adapté de King et autre production de Laurentiis. Père de Charlie Sheen. Père de Charlie Sheen, ouais. Et vu la ressemblance, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, effectivement, j'ai été assez frappé en le voyant, même moi je m'en rends compte. C'est très très marquant. Toi qui n'es... Alors que tu n'es pas physionomiste. Ouais. Et enfin, Vicky est jouée par Heather Locklear, l'actrice principale de pas mal de séries, puisqu'elle a des rôles principaux dans Dynasty, Melrose Place et Hooker. Alors j'ai vérifié, Hooker, c'est le nom du personnage principal. Hein. Voilà. Oui, enfin, oui, non. Ce n'est pas la travailleuse. Ouais, c'est ça. Du sexe. Le personnage est Hooker est interprété par William Shatner, qui donc a eu une carrière en dehors de Star Trek et de ses albums de chansons nulles. Mais ça, c'est plutôt connu, hein, Hooker. C'est marrant que ça te dise rien. Bah, tu sais bien que ma culture série est pas monumentale. Hein. Et Heather Locklear, c'est son premier rôle au cinéma, Charlie. Elle restera assez rare, globalement, au cinéma, en partie parce que, bah, vu que sa carrière à la télévision marche vraiment très bien, elle n'a pas particulièrement besoin d'aller vers le cinéma. Et aussi parce qu'il y a pas mal de ses films au ciné qui, en réalité, marcheront pas très bien, mais on peut mentionner qu'elle joue dans les Looney Tunes Passe à l'action, par exemple, de Joe Dante. Un film plutôt sympa dans mon souvenir. Je l'ai revu il y a 8 ans, quelque chose comme ça, et ça restait plutôt sympa. Je n'ai pas un excellent souvenir, étrangement. Oh, c'est pas fabuleux, hein. Le truc, c'est que tu peux pas ne pas le comparer à Roger Rabbit, et Roger Rabbit est infiniment supérieur. Donc, Oui. C'est pas mauvais. Il y avait aussi un film Muppet qui jouait un peu sur ça, sur le fait que les humains et les Muppets, en fait, cohabitent dans un même monde. Je ne me souviens plus du titre, mais c'était très très bien. Voilà. Après, j'aime bien les films Muppets. A priori, Mark Lester a trouvé le tournage compliqué. Il n'entre pas vraiment dans les détails. Il dit juste que, notamment, la multiplication des effets pyrotechniques qui sont faits physiquement, ça a été un peu difficile à gérer. Là, il y a un désaccord entre ce que dit King et ce que dit Lester, parce que Lester dit que King a été pas mal impliqué sur la production, qu'il a donné son avis sur le scénario et fourni des idées, et notamment, il dit que ça vient de King, l'idée de mettre du vent dans les cheveux de Charlie quand elle utilise son pouvoir, et que donc, il ne comprend pas bien pourquoi King déteste autant cette adaptation et se moque notamment de cet effet-là. Mais King, lui, nie à peu près toute implication profonde sur le projet. Ouais, donc, quand il s'implique, on voit ce que ça donne, donc... Ouais, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, effectivement. Voilà. Hein. Heureusement qu'il a pas persisté après Maximum Overdrive et qu'il a continué à écrire des romans, quoi. Ouais. Malgré ses difficultés, Mark Lester semble satisfait d'avoir travaillé avec De Laurentiis. Il regrette même d'avoir dû refuser la réalisation de Cat's Eye qui lui aurait été proposée, mais il avait d'autres engagements ailleurs et donc il n'a pas pu le prendre. Voilà. D'accord. C'est marrant comme le monde est petit, vraiment, dans tous les sens du terme. Le monde de De Laurentiis, notamment, est assez petit. Je pense que quand il tenait quelqu'un, il cherchait à l'utiliser le plus longtemps possible parce qu'il s'habituait à travailler avec la personne. Voilà, c'était un producteur qui fonctionnait pas mal comme ça, je pense. Hein. C'est tellement toxique, comment t'as dit ça? Ah, bah, ça l'était peut-être un peu. Hein. La photo est de Giuseppe Luzzolini, un cadreur puis directeur photo émérite. En cadreur, il a travaillé sur l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini et il retrouve Pasolini comme directeur photo sur Oedipe Roi, Théorème, Porcherie et Les Mille et Une Nuits. Alors, j'ai pas vu Porcherie, mais les autres, c'est quand même pas de la merde. Notamment c'est une Les Mille et Une. Oui, aussi. Bon, le film a une réputation mitigée, mais venant de Pasolini, je pense que c'est aussi un film très très de gauche. Hein. Et Les Mille et Une Nuits, je trouve que c'est le meilleur Pasolini, donc je vous le conseille vraiment, je trouve ça génial. Écoutez, les Berruriers Noirs, c'est très bien. On peut citer sinon que Russolini, il a travaillé sur des dialogues comme Je suis vivant d'Aldo Lado. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là, il est plutôt sympa. Oui, je l'ai vu, Je suis vivant. Le gars dont tout le monde pense qu'il est mort, alors qu'en fait, non. Et donc, t'es dans ses pensées pendant tout le film. Excellent. C'est ça, film. Ouais. Ouais, il est bien. Bah, globalement, Aldo Lado, c'est très bon. Oui, effectivement, c'est plutôt un réalisateur. Après, je crois que ça fait partie de ces réalisateurs italiens qui ont fait 250 films. Oui. Et où donc, en réalité, on n'en connaît qu'une poignée qui sont bien. Voilà. Mais globalement, Je suis vivant, Qu'il a vu mourir et La bête sans froid, voilà. Les trois films à voir. Ouais. Je sais pas si t'as vu sur Blue Sky Heroina qui a fait une intégrale des films de Lucio Fulci. Où non, il y a l'air d'y avoir des trucs assez délirants. Il a fait plus de 50 films en réalité et c'était assez intéressant à suivre de voir tous les trucs que personne connaît, notamment ses débuts de carrière dans la comédie Poète. Il a fait une comédie un peu poète, un peu érotique sur un curé qui a des espèces de visions sexuelles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai, il faut que je le voie. Comment il s'appelle ce film? Pourquoi ça m'étonne pas que tu l'aies? Continue, je vais te trouver le titre. Donc Russolini, on peut aussi mentionner qu'il est directeur photo sur Mon nom et personne et Il était une fois la révolution. Il met fin à sa carrière en 2000 après avoir fait la photo de Bodyguards, Guardia del Corpio de Neri Parenti, un film qui est très bien noté, mais sur Nanarland, et que j'ai un peu envie de voir à cause d'une image de paix d'éléphant enflammé, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Et sur Charlie, bon, sa photo est efficace, mais on peut pas dire qu'elle soit géniale. C'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire par le passé sur les plus grands films sur lesquels il a travaillé, tout de même. Non, clairement pas. T'as retrouvé le nom du film avec le curé ? Il y a des titres incroyables, quand même. Hein. Obsédé malgré lui, ça donne envie de le voir. Hein. On dirait Depardieu qui se justifie au tribunal. Non. The Eroticist, le titre US. Faut que je fasse une concordance avec le titre italien. Al Onorevole Piaciono le donne. Un film de 1900 combien ? Hein ? T'as un bel accent. Ah bah écoute, hein, 1972. Alors, qu'est-ce qu'il a fait hein ? Ah bah du coup, c'est peut-être Obsédé malgré lui. Eh ben. Oui, c'est ça, c'est Obsédé malgré lui. Voilà, un film franco-italien, pourquoi ça ne m'étonne pas ? Ah bah on aimait bien produire le grand cinéma à l'époque, ça a toujours été, par exemple là la nouvelle Palme d'Or, le Jafar Panahi, on l'a produit, bah pareil on faisait Obsédé malgré lui à l'époque, on a toujours été dans le grand cinéma tu vois. C'est ça, donc c'est bien ça, Obsédé malgré lui, d'accord, bah, je te l'enverrai. Volontiers. Alors on reprend notre route, l'épée d'éléphant enflammée, et aux effets spéciaux en parlant de feu on peut mentionner Jeff Jarvis et Michael Wood ainsi que Mike Edmondson en pyrotechnicien. Jeff Jarvis, à l'époque, il avait déjà travaillé sur L'Exorciste 2 ou Poltergeist, et il retrouvera l'univers de King par la suite à des postes un peu différents autour des effets spéciaux, sur Cat's Eye ou sur Peur Bleue. Bref, c'était quelqu'un de l'équipe de Laurentiis, quoi. Ouais. Michael Wood, sans être crédité, il a travaillé assez tôt dans sa carrière sur Le Requin des Dents de la Mer, et il avait été nommé à un Oscar pour Poltergeist. Lui, il arrête sa carrière à la fin des années 90, et Mike Edmondson, lui, il a au global une filmo un peu plus chargée. Sa carrière continue à un bon rythme jusqu'à la fin des années 2010. Ok. La musique, elle est du groupe allemand Tangerine Dream, un groupe de musique électronique qui démarre en 1967 et qui avait déjà fait quelques BO à l'époque, notamment celle de The Sorcerer, du Solitaire ou de Risky Business, en plus d'un bon paquet d'albums studio parce que c'est un groupe très actif. Pour donner une idée, actuellement Tangerine Dream, qui existe encore, même si la composition du groupe a entièrement changé depuis les débuts, c'est 23 EP, 36 BO de films et 108 albums live et studio. Ah oui, quand même. Le membre le plus connu du groupe, qui a été le plus constant, c'est Edgar Froese, mais il y a eu de nombreux autres membres épisodiques, et Froese étant mort, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus aucun des membres originaux du groupe, c'est que des membres qui sont apparus dans les années 2000, en fait. Ça a évolué avec le temps comme groupe. A priori, je sais pas ce que vaut l'anecdote, mais a priori, le groupe n'a jamais vu le film et ils ont envoyé la BO à partir du scénario en disant à Mark Lester « Fais ce que tu veux avec ça ». Ce qui serait à l'origine du côté surprenamment planant qu'a la musique de Charlie, que je trouve plutôt réussi, moi j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. J'ai la même anecdote. Voilà. Ouais, c'est assez typique de cette époque de leur carrière. Et voilà, moi j'aime bien Tangerine Dream. Alors forcément, ils ont une telle discographie qu'il y a à boire et à manger dedans, mais c'est un groupe auquel j'adhère assez facilement, de manière au moins sympathique. Ça colle vraiment étrangement très bien à tout ce qu'on voit à l'écran. Oui, ça ancre beaucoup le film dans son époque aussi, mais je trouve que c'est pas un défaut pour le coup, ça marche bien. Le film est diffusé en avant-première à Bangor, dans le Maine, le 9 mai 1984, et il sort deux jours plus tard sur l'ensemble du pays, avec un démarrage plutôt faible au box-office. Il n'atteindra jamais la première place en fait, du box-office. Il termine sa carrière en salle avec 17 millions de dollars de recettes, ce qui est moyen au vu de son budget. Par contre, a priori, il va se rattraper un peu en VHS où il marchera pas trop mal. En France, c'est une catastrophe puisqu'il fait seulement 70 230 entrées quand il sort quasi 3 ans plus tard, le 7 janvier 1987. La réception critique étant au mieux mitigée, ça a dû jouer dans cette faiblesse du box-office. Le film est critiqué pour ses effets spéciaux cheap et pour un rythme globalement ennuyant. Actuellement, il a 2,5 étoiles sur Allociné, ce qui le place 56e à égalité avec La Part des Ténèbres, Des Tours Mortels, Sac d'Os, La Tour Sombre, La Nuit Déchirée et Tommy Knockers, et il a 40% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 51e. Entre Rose Red et Firestarter, sous l'emprise du feu. King, au départ, comme on l'a dit, n'aimait pas du tout cette adaptation. Il disait à la fin des années 80 que c'était une des pires, la comparant à une purée lambda dans une cafette, donc sans aucun goût. À noter que selon Lester, si De Laurentiis propose à King de réaliser son propre film, en fait c'est autant pour tenter un coup financier que pour le faire taire un peu, pour éviter que King parle trop en mal de toutes les adaptations de son œuvre. Dans les interviews, comme je l'ai dit, King minimise largement son implication dessus, et depuis son avis s'est tempéré sur, dans une émission talk show auquel il a participé à l'époque de la sortie de Firestarter, le remake. Il a participé à un talk show avec Drew Barrymore, enfin animé par Drew Barrymore. Il dit qu'il n'a pas envie de la revoir, mais que ça va, il n'a rien contre. Et par contre, il y a un truc sur lequel il est jamais revenu, c'est qu'il tarit pas d'éloges sur Drew Barrymore et sur le fait qu'il trouve que c'est une bonne actrice et quelqu'un de très sympathique. Voilà. Ouais, bah il était en face d'elle. Ouais, mais même dans d'autres interviews, il a toujours été gentil avec Drew Barrymore, pour le coup. Mais Joe, ça n'est qu'une gamine. Elle a ce pouvoir, d'accord, mais tout de même, ça n'est pas l'antéchrist. Et alors? Il faut aussi imaginer le pire. Supposons que ce pouvoir de mettre le feu ne soit que le haut de l'iceberg. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je parle d'un don qui est relié directement à la glande pituitaire de cette petite fille. Une glande non encore développée pour l'instant, mais qu'arrivera-t-il lorsqu'elle deviendra adolescente et que cette glande en sommeil se réveillera pour devenir pendant une vingtaine de mois la force la plus puissante de son organisme? Supposez que cet enfant devienne un jour capable de créer une explosion nucléaire avec simplement le pouvoir de sa volonté. C'est idiot. Ah oui, vous croyez? Alors je vais paraître encore plus idiot et plus fou en supposant que cette petite fille qui fuit accompagnée de son père possède au fond d'elle-même, à l'état latent, mais sans aucun doute, le pouvoir de faire un jour sauter notre misérable planète et d'en éparpiller les débris à travers toute la galaxie. Et si nous nous servions de cette gamine pour notre propre compte, ce serait l'arme la plus subtile que nous ayons jamais eue. Non, les expériences sont terminées. Ne me forcez pas à passer au-dessus de vos têtes, parce que je vous jure que je n'hésiterai pas. Et je vous ferai supprimer tous et votre établissement avec. C'est tout ce que j'ai sur le film. Nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Bah écoute, moi c'est un film que je trouve sympathique. Je comprends pas pourquoi autant de monde lui tape dessus. Personnellement, je trouve que le rythme est pas si mauvais que ça. Il y a quelques longueurs, oui, mais au global, le film dure quasiment 2 heures, et ça passe plutôt bien, j'ai trouvé. Alors, ça va très vite sur certains points, on y reviendra, mais non, globalement, je trouve que ça passe plutôt bien. Le casting est bon, ça aide aussi plutôt pas mal à maintenir une bonne ambiance et une bonne qualité sur les diverses scènes qui se déroulent devant nos yeux. La musique, on en a parlé, ça colle plutôt bien à tout ce qu'on voit. Les effets spéciaux, oui, cheap, on y reviendra, même si je trouve que la scène finale est pas si déconnante que ça. Les scènes d'incendie rendent plutôt bien malgré un budget aussi petit. Mais voilà, je te laisse aussi donner un premier avis comme ça à chaud. Je suis assez d'accord, c'est un film devant lequel je passe un bon moment, malgré ses défauts, malgré à la fois ses longueurs à certains moments et le fait qu'il y ait des trucs qui par contre passent très vite. C'est un peu l'inverse de celui de 2020 et quelques. En fait, le début, notamment, passe trop vite. Et je trouve que ça se calme et que ça s'améliore à partir du moment où ils arrivent dans la boîte. J'aime beaucoup, comme j'ai dit, la musique. Le casting, c'est inégal, mais ils font le taf. Je trouve George C. Scott vraiment bon, pour le coup, en oui. Rainbird. Alors, on va le mentionner tout de suite. Effectivement, on l'a pas dit, il y a totalement un whitewashing autour de Rainbird, qui normalement est un personnage de natif américain, et ça c'est totalement surprenant, mais supprimé, mais au moins il supprime totalement toute origine native américaine au personnage. Ils n'essaient pas de te faire croire qu'il l'est tout en mettant George C. Scott dans le rôle, ils enlèvent complètement ça. Oui. On va dire que des choix de whitewashing qu'ils avaient, ils ont fait le moins pire. Voilà. Et au final, ils jouent bien le rôle. La fin, bah, je trouve les effets spéciaux pas si déconnants, effectivement. Après, en effet, comparé à l'apocalypse que c'est censé être, ça fait un peu cheap. Il y aurait peut-être eu moyen de rendre ça plus grandiose avec le même budget, en étant un peu plus imaginatif sur la réalisation, qui est efficace, et pas non plus grandiose, tu vois. Mais voilà, c'est un film devant lequel effectivement je passe un bon moment pour ma part, et pour lequel j'ai une relative affection. Voilà, pareil. J'en avais des bons souvenirs, et ben ma mémoire ne m'a pas joué des tours. Ouais, voilà, pareil, j'étais content de le revoir. Donc, comme on l'a dit, le film va reprendre une structure globalement beaucoup plus proche de celle du roman que les projets originaux et que le film, que le film récent, avec une structure en flashback qui va certes supprimer des trucs, mais voilà. Donc, on débute directement avec Charlie et son père qui fuient dans les rues de New York et qui sont poursuivis par les agents du gouvernement qui connaissent déjà leur pouvoir. Ouais. Bon, ce qui est un début plutôt efficace, je trouve. Oui, on rentre directement dans l'intrigue. Ouais. On rentre directement dans l'intrigue, on nous fait comprendre directement que les deux ont des pouvoirs. Alors, au début, on sait pas trop en quoi ça consiste pour Charlie, puisqu'on l'apprendra plus tard à l'aéroport. Ouais. Mais le père, on comprend assez vite, par contre. Ben, je crois que c'est dit littéralement par un des agents que le père peut influencer l'esprit des gens, et on le voit faire en effet très vite. Avec le taxi. Mmh. Oui, il lui file un billet d'un dollar et puis il lui fait croire que c'est 500 dollars. J'en prendrai pour 500 dollars. J'ai la ref. Et ça, c'est quand il s'endort dans le taxi justement que ça va lancer le premier flashback. Le premier flashback. Qui est celui des expériences. Oui, donc avec le professeur Folding qui explique... le but de la manœuvre, comme quoi, voilà, ça va être une expérience à double aveugle, c'est-à-dire personne ne saura qui a de l'eau saline en injection ou qui a le fameux lot numéro 6, qui est le sujet de l'expérience. Ils leur disent pas trop, hein, par contre, quel est le but de l'expérience, ça y reste secret. Oui. Très vite, ça dérape. D'ailleurs, dans l'idée, on sait qu'ils donnent le lot numéro 6 à tout le monde, vu qu'ils ont tous des problèmes. Oui, voilà. Donc ça, c'est un mensonge. Un mensonge, effectivement. Ça dérape très très vite. Hein. Il me semble que ça met beaucoup plus de temps dans le roman, de mémoire. Bon, il y a un peu plus de place, quoi, dans le roman. On les voit un peu plus drogués, etc. Ouais. Et puis commencer à se lier d'affection et tout. Parce que tout va très très vite sur ce flashback-là. Oui. C'est vraiment histoire d'expédier la partie scientifique, la partie expérience. Hop, on l'expédie le plus vite possible avec cette séquence. Ouais, alors que vraiment dans le scénario original, il y avait un bon quart d'heure qui se passait autour des expériences et de Andy qui se rend compte qu'on a fait des trucs étranges sur lui et qu'il découvre son pouvoir. C'était vraiment nettement plus long à l'origine. Ouais, tu vois, ça aurait peut-être été trop long finalement. Je pense, ouais. Je pense qu'il aurait peut-être fallu trouver un juste milieu, on va dire. Ouais, parce que là, ça expédie vraiment très vite. Ouais. Après, là, dans la réalisation, bah, c'est Mark Lester assez classique, donc ça marche, mais c'est pas non plus grandiose. C'est-à-dire, il y a une ou deux perspectives un peu exagérées, il y a des échos dans les sons, un peu de ralenti, mais ça en fait pas plus que ça pour transmettre le décalage de perception qu'ont les personnages normalement. Et puis, globalement, ça sera ça pour toute la réalisation du film. Oui, voilà, ça va être ça. Retour au présent. Le taxi arrive à l'aéroport. Là, le père se rend compte qu'il n'y a plus rien. Hein. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides, ma bonne dame. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise son pouvoir. C'est l'inflation, hein, ça. C'est... Voilà. Tout coûte cher maintenant. Il utilise son pouvoir pour détraquer un téléphone. À l'époque, c'était les téléphones à pièces. Ouais. Donc, pour récolter de la thune. Et en fond, il y a un couple qui s'embrouille parce que la femme est enceinte et son compagnon l'accuse d'avoir couché à droite à gauche et qu'en fait c'est pas son... Bref, vous avez compris. Oui, c'est un connard, quoi. Ça stresse légèrement la petite Charlie. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre son pouvoir, puisqu'elle fout littéralement le feu aux chaussures de l'homme, qui est un militaire d'ailleurs, donc elle a bien raison. Oui, oui, voilà, elle a raison. C'est bien d'avoir comme ça une petite fille cocktail Molotov sur soi. C'est toujours utile. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on découvre son pouvoir à la petite Charlie, qui est du coup la pyrokinésie. Normalement d'ailleurs, c'est elle aussi dans le roman qui a le pouvoir avec les cabines téléphoniques, c'est pas Andy. Oui. Mais bon, ça c'est un changement assez mineur. Et là, je trouve que ça marche assez bien ce moment-là, parce que ça retranscrit bien le stress de Charlie qui est terrifiée parce que ça fait des jours et des jours qu'elle court, qu'elle est dans un endroit bruyant, oui, et voit des gens qui se disputent, et puis oui, c'est une gamine, quoi. Je trouve que ce moment marche vraiment pas mal. Globalement, histoire de l'évacuer, le côté enfant de Charlie est plutôt très bien amené tout au long du film. Oui, je trouve, ouais. L'innocence, le fait d'être perdu, tout ça... c'est pas une enfant adulte, comme on a l'habitude de voir dans beaucoup de films, en fait. Ouais, ouais, elle est pas mal écrite dans son côté enfant. Voilà. Ça enchaîne sur un nouveau flashback que là, je trouve un peu raté, pour le coup, celui des mains de la mère de Charlie, de Vicky, ah oui, qui se font brûler. Alors, autant quand on me dit entraîne Charlie à ses pouvoirs en lui faisant brûler une tartine et en lui demandant de se rétracter à un moment, ça, ça va. Autant le moment où les mains brûlent, bah, non seulement c'est pas très impressionnant, t'as l'impression qu'il y a que les maniques, en fait, qui prennent feu. Et bah, c'est court. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'intensité dans ce qui est censé être un moment vraiment traumatique pour oui. Charlie. Mmh. Clairement, c'est, en fait, c'est l'une des rares scènes qui est bien mieux faite dans le remake des années 2000. Oui, effectivement. Le personnage de Vicky a plus de place dans le remake des années 2000, donc il est globalement plus réussi dedans. Parce que c'est vrai que là, elle est tellement vite évacuée que c'est la dernière scène du film où vous la voyez, hein, profitez-en. Bah après, vous la voyez, mais morte. Oui, voilà. Il m'a dit. Du voilà. Coup, c'est plus facile à jouer, quoi, tu me diras. Oui, c'est ça. C'est... Parce que justement, après, il y a la découverte du corps de... Enfin, Andy qui rentre chez lui et qui se rend compte que tout est cassé, qu'il n'y a plus personne et qui découvre le corps de Vicky. Là, par contre, alors, ça aurait pu être mieux filmé, mais ça marche pas mal. Avant ça, à un moment, on a un court moment où le téléphone sonne et on nous fait comprendre que c'est la boîte qui les appelle régulièrement pour s'assurer qu'ils sont toujours là. Oui, effectivement. Donc, on nous montre quand même l'emprise de cette organisation gouvernementale secrète autour des McGee. Oui. Ce qui est quand même, genre, vraiment pas discret, hein, le coup de fil. Bah non. Bah non, clairement pas. C'est, si vous êtes une organisation gouvernementale secrète, trouvez un autre truc, passez en voiture à chaque fois avec une voiture différente. Enfin, faites ça autrement. Alors après, le but est peut-être qu'ils sachent qu'ils sont surveillés. Oui, histoire de maintenir une pression. Ouais. Mais là, oui, ça fait un peu technique de voleur qui appelle pour s'assurer qu'il y a quelqu'un ou pas. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Avant de commettre un cambriolage. Et Andy aura préféré que ça soit ça, finalement. Puisque, vas-y, je te laisse reprendre. Bah, du coup, il rentre chez lui et il se rend compte que Vicky a été torturée et tuée pour savoir où est Charlie. Pardon, c'est pas volontaire, mais j'ai même pas fait exprès. Et donc Andy va se mettre à courir partout pour retrouver Charlie. Là, il va la retrouver plus vite. Normalement, dans le roman, il y a toute une poursuite un peu plus longue. Là, c'est dès que les agents veulent l'enlever qu'il retrouve sa fille. Le combat contre les agents est un peu cheap et peut-être un peu kitsch, et un peu mou, mais ça peut fonctionner. Et là, il rend les deux agents aveugles. C'est un nouveau moment où la violence du roman est tempérée parce que normalement, il en pousse un au suicide. Oui. Mais le film entier est beaucoup plus sage que le roman. Oui, ça veut viser un public un peu plus jeune. Là où le roman, Charlie a quand même des pouvoirs super bourrins et fait des trucs super violents à plusieurs moments. Et puis même, il me semble que, de mémoire, sa femme, il la retrouve dans un vraiment sale état, quoi. Ben, je crois que c'est à peu près la même chose qui lui ont été faites, sauf que c'est décrit de manière beaucoup plus glauque. Voilà. Ça enchaîne sur la présentation des trois membres principaux de la boîte qu'on va suivre, donc Oneless, Hollister et Rainbird. Qu'est-ce que t'en penses de cette présentation? C'est très sommaire. Alors, ça fait le taf. Mais c'est vraiment... on a dit à Lester, bon bah mets-moi une scène de présentation, et puis voilà quoi. Il a fait un truc très basique. Oui. Pour le professeur Foldingue, bon bah ça marche pas trop, parce que ça accentue son côté vraiment Foldingue, j'ai trouvé. Rainbird, ça fonctionne vraiment très bien, parce que le côté énigmatique du personnage est là directement. Ouais. Et pour... j'ai oublié son nom. Hollister. Et pour Hollister... Martin Sheen joue bien, mais je trouve qu'on a trop réduit en fait le personnage à un simple personnage de bureaucrate, quoi. Il est assez convenu, hein, Hollister, oui. Le côté, hein, alors que le côté un peu bureaucrate, oui, mais surtout carriériste un peu fou qui est prêt à tout pour grimper les échelons et maintenir sa position, elle est pas vraiment là, quoi. C'est un peu ce qui est dommage. Ouais. Oui, c'est peut-être le personnage qui devient le plus académique dans le film, au final. Mm. Le docteur, il a un côté Foldingue. En fait, la scène n'est pas super bien écrite, c'est un peu le souci. Parce que sinon, ça présente quand même un peu ce qui est normalement l'ambiguïté de Hollister, qui présente que, bah oui, Charlie, ça reste... C'est une bombe nucléaire sur pattes. Ce qui est censé être un vrai dilemme dans le roman, où tu peux presque comprendre la méfiance du gouvernement. Là, ça prend moins bien, hélas, mais probablement parce que c'est trop amené comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. Mais je vois l'idée de la présentation sommaire. On va dire que pour le but du film, elle fait le taf. Et en effet, on sent que c'est Rainbird qui va être le plus intéressant. Charlie et son père rencontrent, en faisant du stop, le fermier Irv Menders, oui, qui va leur proposer de venir manger chez lui. Oui, oui, comme ça, ils croisent des gens, allez hop, on va bouffer. C'est les années 80. Oui, c'est ça, j'imagine que les gens étaient moins méfiants. Voilà, aujourd'hui, bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Que peut-être, pour moi, Irv sent que ils sont un peu dans la merde, il s'attache un peu directement à Charlie et il veut l'aider. Je crois qu'il y a de ça aussi. Oui, oui. Après, au jour d'aujourd'hui, je croise un mec sur la route avec une gamine, bon, j'appelle les flics, quoi. En première intention. Ouais, oui. Je me renseigne quand même un minimum. Ou alors tu demandes des documents, des trucs comme ça. C'est vrai que l'époque a un peu changé dans le regard qu'on a sur les messieurs qui se baladent avec des enfants au bord de la route. C'est pas la même époque. Non, alors après, malheureusement, il y en avait déjà tout autant à l'époque, hein. C'est juste que c'était moins médiatisé. Oui, c'est ça, oui. Sinon, globalement, la scène chez tout le passage avec les Menders va être relativement similaire au roman, à savoir que Irv va se rendre compte qu'il y a Anguille sous roche avec cette histoire, ouais. Et Andy va décider de se confier à lui et lui explique un peu tout, qu'il est recherché par le gouvernement, que Charlie a des pouvoirs. Et Irv, c'est le bon gars qui collabore pas avec un gouvernement fasciste. Oui, il y a d'ailleurs une très jolie phrase, hein. Après, quand il les aide, on y reviendra. Ouais. Mais donc, tout ce passage, c'est déjà un passage que j'aime bien en roman, et je le trouve plutôt sympathique en film, même ouais, s'il passe beaucoup plus vite. Et puis, c'est une scène qui, dans le film, permet de souffler un peu, parce que quand même, depuis le début du film, ça ne s'arrête pas, quoi. C'est courte poursuite, scène de révélation. Il y a très peu de scènes pour se poser, en fait, depuis le début. Oui, effectivement, ouais. Mais bon... Comme tu le dis, c'est quand même assez vite expédié et la boîte arrive. Parce que eux, il y avait des agents qui étaient sur le côté en train de changer la roue d'une bagnole. Et ils ont vu Andy être conduit par le fermier à sa ferme. Donc ils savent où ils vont. Ouais. Et les voilà qui arrivent avec une vision du futur par Charlie. Les prévient que... Malheureusement, les vilains en costard arrivent. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va leur botter le cul. Ouais. Voilà ce qu'on va faire. Et là, c'est effectivement le premier moment où Charlie déchaîne vraiment ses pouvoirs et qu'on voit la force de ce qu'elle peut faire. Là, encore une fois, en version atténuée graphiquement par rapport à ce que ça devait être, mais ça reste globalement proche. Ça reste quand même violent, à savoir qu'elle incendie plusieurs hommes... Et qu'elle les calcine vraiment entièrement, elle fait sauter toutes les voitures, enfin oui, ça reste assez violent. On en voit vraiment un crever brûlé vif, quoi. Alors, oui. Il n'y a pas de détails glauques ou quoi, mais voilà, on sait ce qui lui arrive, quoi. Oui, c'est ça, on sait que dans le scénario initial, c'était beaucoup plus graphique et que ça l'aurait sans doute été avec Carpenter, mais ça reste là. Donc oui, t'as toutes les bagnoles qui explosent, il y en a un qui est vraiment pas fut-fut, il voit toutes les bagnoles exploser. Il décide d'aller se réfugier dans la sienne. Bon, elle lui pète à la gueule. En même temps, tu l'as un peu cherché. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est très violent. Et là, pour le coup, je trouve que le manque de budget se voit pas tant que ça sur cette séquence-là. Sur celle-là, non, ça se verra plus sur la fin, effectivement. Voilà. Mais sur celle-là, c'est vraiment des explosions, on va dire basiques, entre guillemets. Mais c'est de simples explosions et des personnages ou des bouts de vêtements qui prennent feu. Donc, le budget encore... Sur cette scène, ça va. La scène reste quand même plutôt impressionnante pour l'époque. Alors, je sais plus si c'est sur cette scène ou si c'est sur la fin, mais je sais qu'il y a une des deux où l'équipe de production voulait prendre une vraie maison à la base et sont allés voir les proprios en leur disant « Allez les gars, on vous rachète votre maison. » Et après, on l'a fait exploser et on l'a fait brûler. On vous donne de l'argent, est-ce que vous êtes partants ? Les proprios ont répondu lol, non. Ah oui, et du coup, ils ont dû construire un décor. Ah oui, je m'étonne. Mais j'aime bien l'idée qu'ils aient tenté, tu sais, qu'ils aient eu la foi quand même. Ils arrivent. Je sens qu'ils arrivent. Je crois qu'ils veulent te tuer, papa. Il faut s'en aller, il faut se cacher, Yves. Oui, oui, c'est ça qu'ils veulent. Ils vont te tuer. Comme ils ont tué maman, ils veulent me prendre. Je les laisserai pas faire, je... Dieu du ciel, c'est elle qui a fait ça. Charlie, attention à ce que tu fais. Est-ce qu'il est trop tard? Oui, ils arrivent sur la route de derrière. Papa, j'ai peur. Charlie, tu peux les arrêter. Si je fais quelque chose de mal, tu m'aimeras quand même. Chérie, bien sûr que je t'aimerai quand même. Je t'aime plus que tout au monde. Et peu importe ce qui arrivera. Je suis bien obligé de vous croire. Il y a un tas de voitures qui arrivent. Je reste avec vous si vous voulez. Je prendrai mon fusil. Il n'y a pas besoin de fusil. Donc, Charlie et Andy parviennent à fuir de chez les Menders. Irv Menders est blessé. Voilà, c'est ça. Il s'est pris une balle dans la bataille. Ouais. Du coup, il leur laisse les clés d'une espèce de petite camionnette militaire. Ouais. Qu'ils puissent fuir. Et c'est à ce moment-là qu'il sort à sa femme. Tu crois quand même pas que je vais collaborer avec des nazis en parlant du gouvernement? Et ça, j'applaudis. Ouais. Hélas, il pouvait pas savoir que 40 ans plus tard, ce serait littéralement des nazis au gouvernement aux États-Unis. Dans la première version du scénario, je l'avais pas mentionné, mais Irv se faisait tuer à ce moment-là, dans le scénario original. D'accord. Période Carpenter, voilà. Alors que dans le roman, il survit bien. Oui, oui. Là, il y a toute la partie au chalet qui est donc la plus réduite au final, encore une fois. Et je trouve que, alors, même si on n'a pas lu le roman, on sent que rythmiquement, ça fait étrange ce passage-là, parce que ça fait une étape très courte dans le parcours d'Andy et Charlie. Alors qu'on sent qu'il y a un petit souci de trucs coupés ici. Alors qu'en amont dans le film, c'est quand même un passage qui nous est un peu teasé, puisque Andy suit. Sous-entend, oui, on va aller au chalet de grand-père, nanana. C'est quand même un passage que t'attends un peu, ça t'a été évoqué avant. Et là, à peine arrivé, déjà, ils sont vus par deux infiltrés de l'agence, là, un couple de vieux, qui appellent l'agence pour leur dire que ils sont bien là. Et après, ça va très vite, quoi. Ils passent une nuit, en fait. Ouais, tandis que normalement, ils y passent tout l'hiver, en fait, dans cette petite cabane. Alors, c'est un passage qui est complètement supprimé de la version 2022, mais du coup, quitte à faire ce... Pour le coup, le choix de la version 2022 est peut-être un peu plus malin. Oui. Ce coup-là. Par contre, tout le passage chez les Menders, c'est beaucoup mieux dans cette version originale, je trouve. Voilà. On ne l'a pas signalé, mais quitte à comparer les deux. Là, de toute façon, à partir de là, à peu près tout dans l'original est mieux que dans le remake, parce que c'est le passage où le remake déjà accélère et où la boîte, ça devient... un couloir et une pièce vide avec deux clampins qui ont même pas le budget pour des trombones. Ça devient le métro Châtelet, et encore. Ouais, et encore le métro Châtelet, il y a du monde au moins, quoi. Ça devient le métro Châtelet à 3h du matin, à la limite. Oui, voilà, c'est vrai. Mais du coup, Renburn débarque pour les choper. Et, alors, ça va vite, mais toute cette séquence-là, je la trouve très réussie. Déjà, on voit le côté très méthodique de Renburn. Oui. Très chasseur, très à l'affût, vraiment qui prend le temps de se poster, de bien se préparer. Il attend qu'ils sortent, tac-tac, il leur envoie une fléchette pour les endormir. Une fois qu'ils sont endormis, là, il y a un très joli plan. On les voit, eux, allongés sur le ponton, et tu sais, on voit le bout de la forêt. Et tout d'un coup, t'as plein de membres de la boîte qui sont dans des combinaisons inifugées. Ils sortent, mais genre des talus de derrière les arbres, alors que jusque-là, on les avait pas du tout vus, quoi. Oui. Et là, tu te rends compte du nombre qu'ils sont. Et vraiment, ce plan-là, et donc l'évolution où tu les vois tous sortir les uns après les autres, je trouve le plan très réussi pour le coup. Oui, il est vraiment bien celui-là. Ça, c'est l'une des fulgurances du film, en termes de réalisation pure. Et en effet, Rain Bird, je trouve que ça montre bien son côté à la fois méthodique, très professionnel, et en même temps son côté chasseur qui fait ça pour le plaisir. C'est non seulement c'est un excellent professionnel dans son domaine, mais il aime bien faire ça. Il a un métier passion, d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Ah oui. Métier passion, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je torture les gens. Voilà, j'aime bien ça, ça me divertit. Il sort ses petits livres de méthodes de torture. Mais pas que physique, hein. Non, psychologique aussi. Ouais, on n'est pas des sauvages. Vis ma vie de tortureur psychologique. Ouais, tu sais, pour les trucs à l'école où les enfants ramènent leurs parents pour parler de leur métier. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il torture les gens. Mon papa est à la Gestapo. Bon, ça redevient un truc qu'on peut dire sans honte, ça va. Ah, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que même chez nous, en plus. Alors, oui, aussi, oui. Voilà, c'est bien. On a souvent tendance à s'aligner sur les États-Unis sur ce genre de belles idées. On l'a pas mentionné, mais Rain Bird a tué le Dr. Oneness entre-temps. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la scène est tellement expéditif. Oui, ça passe très vite, ouais. Bah, on n'a pas assez vu Oneness pour prendre, avoir tout l'impact de ça. Qui est censé être... Bon, ce Oneness, en fait, c'est celui qui a vraiment l'opinion. Charlie, on doit la tuer tout de suite, oui. Parce qu'elle a des pouvoirs trop puissants, et elle va détruire le monde, et c'est une menace. Tandis que le reste de la boîte est plutôt dans l'opinion, non, avant de la tuer, on va faire des expériences sur elle, et on va voir si on peut l'utiliser comme arme. Bon, je sais pas lequel on préfère des deux, mais... oui. Mais c'est deux opinions différentes qui au sein de la boîte, normalement. Voilà, et du coup, décision est prise de l'éliminer. D'éliminer Oneless, ouais. Donc, Andy et Charlie sont ramenés à la boîte. Alors, il y a à peu près le même problème qu'avec Firestarter sous l'emprise du feu, étant donné que ça coupe pas mal de trucs sur les explications sur la fascination de Rain Bird pour Charlie. Dans le livre, c'est censé être glauque, pour plein de raisons, parce qu'il a une espèce de fascination pour le pouvoir chelou, Rain Bird. Donc c'est glauque pour plein de raisons, mais pas la pédophilie, tandis que dans le film, ça fait très pédo, hein, quand même. Alors que pas tellement, en vrai, mais ça le fait. Ouais. C'est-à-dire, il est censé être fasciné par la puissance de Charlie, plus que par Charlie elle-même, techniquement, Rain Bird. Le décalage est fin, et ça excuse absolument pas le personnage, hein, mais je trouve que ça fait un autre type de glauque en film. C'est pas la même chose. Après, là, il dit clairement que son but, c'est de la tuer, et surtout que de le pousser à ce que Charlie le tue lui, pour amener un peu de son pouvoir dans l'autre monde. Ouais, mais je trouve pas ça suffisamment clair en film, tu vois. Mais oui, je suis d'accord avec toi que, bon... Et même Hollister se pose des questions. Quand l'autre lui dit ce qu'il veut faire... Oui, il a un regard très bizarre, Hollister, à ce moment-là, qui fait « Oula, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Est-ce que j'ai bien fait de le ramener ?» Donc je pense que le fait que ça soit pas si clair que ça, c'est totalement voulu pour le coup. C'est possible, en tout cas c'est pas inefficace. Ça fait passer Rain Bird pour quelqu'un de glauque, ce qui est au final le message principal dans tous les cas. Et voilà. Donc ils sont au laboratoire, ils sont à la boîte, au shop. Oui. On n'a pas mentionné, mais le gouvernement vraiment pas discret, tuer le facteur juste pour récupérer son courrier, c'est pas discret les gars quand même. Il y avait probablement d'autres méthodes. En plus, il va jamais être remplacé avec la case du service public. Il y a plein de villages qui vont plus avoir leur courrier. Enfin, c'est pas cool. C'est bien triste. Mais effectivement, ils sont ramenés au shop. Ils sont séparés. Ouais, chacun a sa petite chambre. Avec une déco qui, à mon avis, fait partie de la torture psychologique. Parce que c'est quand même très très moche, leur chambre. Ah oui. Et je pense que même dans les années 80, c'était moche. Ah ouais, je pense que c'est le truc que t'avais chez les grands-mères qui était encore à la mode des années 60, ouais. Là, tout comme dans le roman, Rain Bird se fait passer pour un agent d'entretien. Ouais. Pour lier des liens avec Charlie et se rapprocher d'elle. Ouais, parce que sinon elle repousse tous les membres de la boîte, elle refuse de leur parler, elle refuse évidemment d'utiliser ses pouvoirs. Voilà, elle fait brûler son chocolat chaud, où il est très très chaud. Oui, et ça marche bien là, tu vois, comme je trouve que George C. Scott joue bien et que, comme on l'a dit, Charlie a bien été installée comme étant une petite fille terrifiée assez normal au-delà de ses pouvoirs. Je trouve que toute la manière dont Rainbird va s'approcher d'elle marche, d'autant que ça y consacre pas mal de temps. Je peux peut-être réussir à voir ton père. Tu crois ? Vraiment, tu pourrais ? Je vais essayer de m'arranger. Je te promets que je verrai ton père, Charlie. Je lui dirai que tu vas bien. Enfin, peut-être que je pourrais pas lui dire, mais je lui passerai un mot. Ah, merci. Merci. C'est rien. Mais il faudra peut-être que tu fasses ce qu'il te demande ici. Je t'ai déjà dit. Je ne veux plus le faire. C'est trop dangereux. Je me suis promise de ne jamais recommencer, tu comprends ? Cet homme à l'aéroport et ceux qui étaient à la ferme, je les ai tous tués, je les ai brûlés. Oui, mais d'après ce que tu m'as raconté, c'était pour te défendre. Oui, mais c'est pas une excuse. Puis en fait, tu as sauvé la vie de ton papa, non ? Écoute, si tu fais ce qu'il te demande, mais seulement un tout petit peu, tu vois, ce serait sans doute ton moyen pour toi de sortir d'ici, je t'aiderai. Oh ! Mon Dieu, la lumière ! Je voudrais te dire quelque chose de très important, John. Je suis bien avec toi, tu sais. Eh bien, je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher maintenant. Allez, viens. Andy, lui, on lui fait des expériences pour voir si on peut rebooster un peu ses pouvoirs. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. C'est pas très clair ce qu'ils font à Andy. Bah, le but, c'est de voir s'il a encore ses pouvoirs de base. Donc, on essaie de lui faire faire sur un type lambda. Et quand il voit que ça marche pas, ils se disent bon, on va juste se contenter de lui donner de la drogue pour l'endormir en attendant de décider de ce qu'on fait de lui. Oui. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. La drogue qu'au fur et à mesure, il va arrêter de prendre, hein, parce qu'au bout d'un moment, il prend conscience. Oui. Il y a une scène très jolie dans tout ce passage-là où ils sont séparés. T'as une scène où elle est mise en... Il y a un split screen en... Non, il n'y a pas de split screen, quoi. Non, il n'y a pas de split screen, pour le coup, dans le film. Tu vois à quelle scène je pense, peut-être. On voit Charlie sur son lit qui s'écroule en pleurs et son père fait pareil. En fait, les deux pleurent l'un à l'autre en pensant chacun à l'autre. Et on comprend que les deux ont un lien quand même un peu mental et les deux comprennent que les deux se manquent mutuellement. Et la scène est très jolie. Oui, c'est vrai que ça fait... Il y a plutôt des beaux petits moments par là. Il y a, l'évolution de la relation entre Rainbird et Charlie, avec notamment la coupure de courant qui est provoquée, etc. Enfin, tout ça qui est dans le roman, mais qui est bien amené. Ouais, qui est très très bien amené, effectivement. Et c'est comme ça qu'il se rapproche vraiment de Charlie. Mmh. On voit un peu plus le manque de budget sur quand Charlie accepte de collaborer, parce que Rainbird lui a dit « Mais peut-être que si tu fais ce qu'ils veulent, ils te laisseront voir ton père ». Je trouve que quand elle brûle d'abord les bouts de bois, puis les briques, on voit plus qu'il y a une petite absence de budget. Ça aurait pu être mieux filmé pour mieux faire ressentir la chaleur, ce genre de truc, pour mieux faire ressentir le côté apocalyptique quand elle évacue ses pouvoirs. Parce que normalement, quand elle balance d'abord dans l'eau du bain, dans l'eau de la baignoire, pardon, toute sa force... Parce que c'est bébé qu'on balance ça pourrait avec l'eau du bain. Merci. Ça pourrait provoquer plein de fumée, beaucoup plus de brume, etc. Ça pourrait être un peu plus impressionnant. Et pareil, quand elle fait fondre les blocs de glace. Mais je pense que le souci vient plus de la réalisation là, à ce moment-là, que vraiment du budget. Je pense que c'est un mélange des deux. Oui, oui, oui, éventuellement. Mais oui, il y a la réalisation aussi qui est un peu trop classique. Ce que j'aime bien, c'est dans tous ces moments-là où elle collabore et où elle fait des expériences, c'est vraiment... C'est très bien retranscrit le fait que les membres de la boîte sont terrorisés par l'arme de destruction massive que représente cette gamine, quoi. Oui, ils sont tous en train de se rendre compte que peut-être faire des expériences et vouloir l'utiliser, c'est une erreur et que c'est un pouvoir que certainement ils ne pourront pas contrôler. Le seul que ça fait rire, c'est Rainbird, quoi. Lui, se marre. Oui, à peu près pour les mêmes raisons. Il sait que c'est un pouvoir qu'il ne pourra pas contrôler, mais lui, c'est son truc, justement. Voilà. Et t'as tous ces passages-là avec le scientifique, donc le nouveau scientifique, on l'a pas mentionné, mais il y a un remplaçant à Oneless. Ouais. Qui, lui, est OK pour faire des expériences sur Charlie. Qui, vraiment, se pose des questions en mode, mais vous lui avez promis que si elle collaborait, elle verrait son père, mais comment elle va réagir quand vous lui direz non ? Voilà, tous les personnages qui se posent des questions comme ça. Et c'est pareil, Hollister fait la même à Rainbird, mais comment elle va réagir quand elle se rend compte que, en fait, vous bossez pour nous ? Et lui, il se marre, quoi. Il sait très bien comment il va réagir, mais c'est son but, en même temps. Oui. Il éclaircit un peu son plan, là, à ce moment-là, autour des gens puissants, d'ailleurs. Il est un peu plus clair à un moment avec une scène avec Hollister. Hein. Ouais. On en arrive... alors, ça prend un moment, hein, en réalité, tout ça. Comme on disait, la deuxième partie est beaucoup plus détendue que la première, ouais, au niveau du rythme, et c'est alors, en partie sa qualité. Tu vois, ouais, moi et toi aussi, ça nous dérange pas, mais je peux comprendre que c'est sur ce moment-là où beaucoup de personnes décrochent, quoi. Oui. Ça fait une fracture très nette avec le reste, oui, du film en termes de rythme. Et je peux comprendre qu'on lui reproche, ça aurait pu être mieux rythmé, etc. Mais tu vois, à choisir, je préfère ça que, encore une fois, la version de 2022 où la partie dans la boîte, ça devient super rush. Oui, ouais, d'accord. Où il n'y a plus rien, quoi. J'aime bien la manière dont Andy va prendre le contrôle d'Hollister, parce que là, tu vois, alors la photo est pas folle, mais je trouve ça pas trop mal amené au niveau de la réalisation. T'as ce petit ponton un peu paisible, un, oui, peu idyllique, et tu sais que Andy retrouve un peu ses pouvoirs, parce qu'il s'est déjà entraîné, notamment sur la télé. Ouais, mais la manière dont il les utilise brutalement pour contrôler Hollister, ça arrive sans qu'on s'y attende. Et le fait que ce soit dans ce décor-là, ça amène vraiment la surprise de Andy a attendu le moment où on s'y attendait le moins pour agir. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, hein, c'est dommage que ça soit filmé de manière ultra plan-plan et que la photo est pas ouf, quoi, dans le film. C'est dommage, c'est surprenant aussi avec un tel directeur photo qui, en plus, dans la mesure où il a travaillé en Italie, il devait quand même être habitué au tournage un peu bordélique et un peu rapide. Ouais. Parce que, on sait ce que c'était, les tournages italiens d'une certaine époque. Et puis avec un thème comme ça, quoi, le feu, c'est autant quelque chose de destructeur que quelque chose de beau, quoi, si tu le mets bien en valeur. Donc, oui. Faut vraiment faire un vrai travail dessus, quoi. Et oui, c'est ça. Justement, on revient un petit peu en arrière. C'est une scène qui aurait pu avoir beaucoup plus d'impact, celle quand la coupure électrique a lieu. T'as toute une séquence où t'as Rainbird et Charlie qui discutent paisiblement sur le canapé. Et c'est vraiment plongé dans l'obscurité, quoi. T'as même pas un semblant de jeu de lumière avec l'éclairage que pourrait produire la lune ou quoi, quoi. C'est ultra, oui, basique. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Voilà, c'était la parenthèse photo du film qui est vraiment pas terrible, quoi. On en aura eu, hein, des films avec une photo pas terrible. C'est quand même relativement rare qu'on applaudisse la photo d'un film adapté de King. Bah, hormis si c'est un gros réal qui est derrière, quoi. Oui, c'est ça, qu'il y ait vraiment le temps. C'est du Cronenberg, ouais, sur Dead Zone, sur Carpenter, sur Christine, ou même Kubrick, sur Shining. Hein. Ouais, oui, bah celle de Kubrick surtout, oui. Allez, on va dire du bien de Monsieur Flanagan. La photo de Dr. Sleep est vraiment pas dégueu. Voilà, c'est peut-être une des seules grosses qualités du film. Il y a même des très belles scènes visuellement au niveau de la photo dans Dr. Sleep. Ça, je crois qu'on l'avait signalé d'ailleurs. Ouais. Et celle des ça de Muschietti est vraiment très bien aussi. Oui. Voilà, comme quoi, vous voyez. Comme quoi, on est capable d'objectivité. Comme quoi. Par contre, du coup, si la tour semble, ça pouvait ne pas aboutir, par pitié. Attends, on a même pas encore vu la feu de Chuck, attends. Oui. Laissons-lui une chance, quoi, merde. Oui, laissons-lui une chance, voilà, faisons ça. Dernière fois que j'ai laissé une chance à un réalisateur, je suis allé voir le dernier Pity Anderson, c'est bon. Oui, bah c'était il y a quelques jours, ça va. C'était hier, je suis encore, voilà, sous le choc. Voilà, au moment où on enregistre. Film de merde. Ah la vache. Bon, bref. Donc, Andy va établir son plan. Il apprend par Hollister qu'il y a un projet d'évacuation de Charlie pour l'amener dans une zone plus sécurisée et que donc il faut qu'il intervienne très très rapidement. Et il donne rendez-vous à Charlie le soir même dans une étable, parce que Charlie commence à faire de cheval. En parlant, ouais, de ça, est-ce que tu t'es renseigné auprès de l'experte chevaux sur... quel était le type des chevaux? Ah putain, on fera une scène bonus. Ah, il faudra rajouter ça, c'est quand même... faut qu'on puisse informer nos auditeurs. Voilà, j'enregistrerai ça en amont et je te l'enverrai. Ah oui, je tiens. Donc... ce fameux cheval nécromancer. Incroyable, oui, comme nom de canasson. Oui, c'est ça, ça va à un cheval ou à un groupe de métal de la même époque. C'est ça. Le truc, c'est que Charlie, bah, comme elle fait confiance à Rainbird, elle lui a dit « Oh, mon papa, il m'a contacté, il va me sauver. » Et donc, bah, Rainbird, il comprend qu'il est important d'intervenir rapidement. C'est ça. L'avantage, c'est que comme Rainbird s'est un peu désolidarisé du reste de la boîte, parce que il n'a pas exactement les mêmes intentions qu'eux, bah, il ne va pas prévenir tout le monde. Oui, il prend l'info pour lui, mais c'est tout, quoi. Oui, voilà. Donc tout ce petit monde se retrouve à l'étable. Enfin, ouais. Ce petit monde. Andy, enfin, à l'écurie, Charlie, d'ailleurs, plutôt. À l'écurie, oui, pardon. Andy, Charlie, Rainbird qui est planqué. Hollister qui est sous le contrôle de Andy. Et c'est tout, déjà pas mal. Oui, au début, il n'y a que eux. C'est les autres gens arriveront quand tout commencera à brûler. Et ça part très très vite en couille. Hein. Ouais. Le début de la confrontation, je trouve que ça marche vraiment pas mal. C'est organisé, c'est pas mal mené. Ouais. Il y a une bonne spécialisation avec Rainbird qui est en haut, Charlie qui découvre que c'est un traître. Qui lui, Rainbird, est constamment en mouvement, donc les personnages du bas se demandent exactement où il est. Oui, c'est aussi lui qui est armé, enfin Hollister l'est aussi, mais Hollister est sous le contrôle d'Andy, c'est un peu compliqué. Oui, donc, puis il va vite prendre une balle en pleine tête, donc bon, c'est ouais. Compliqué. Mais le début marche bien. À partir du moment où ça commence à tirer, on voit à nouveau un peu plus les limites de Mark Lester pour finir ouais. L'action. Et le fait que ça ait dû probablement aller vite, ça devient un peu plus confus. Voilà. Parce que oui, au bout d'un moment, Rainbird se montre. Andy ordonne à Hollister de tirer. Bon bah, même s'il est contrôlé, il tire mal. Ah, peut-être parce qu'il est contrôlé. Peut-être, oui. Justement, ça... Ça nuit aux capacités de tir. Du coup, en représailles, il s'en prend une entre les deux yeux, donc bah capoute. Oui. C'est l'effet que ça fait en général. Bah ouais, dans l'ensemble, médicalement, je me suis renseigné à se faire tirer une balle entre les deux yeux, on survit rarement. Et là, vraiment, plus je vois cette scène, parce que ça m'avait déjà perturbé les précédentes fois, je ne comprends pas l'intérêt de prendre possession de Rainbird et de lui dire de sauter. Bah il aurait mieux valu lui dire de se tirer une balle, oui. Oui, voilà, c'est ça. Là, le personnage d'Andy, vraiment, il prend moins 10 en intelligence, quoi, d'un coup. Et ben, oui, il a fait ça. Après, à la limite, tu vois, c'est le genre de situation où j'arrive un peu à excuser que les personnages fassent des conneries parce que c'est une situation de stress. Ouais, ouais. C'est une situation compliquée. J'ai moins mal à excuser l'erreur dans ce contexte-là que si ça avait été à tête reposée où il avait eu 2 semaines pour réfléchir, tu vois. Mais donc, Rainbird, on fait tous des trucs débiles dans ce genre de circonstances. Et donc Rainbird saute, reprend contrôle de son esprit et tire une balle au niveau de la nuque sur Andy, quoi. Ouais. Ce qui fait que là, ça rejoint le roman, Andy meurt. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, Charlie ? Elle chiale comme tous les gamins quand il y a leur parent qui meurt. Elle est pas très contente, quoi. Ouais. Elle est pas très contente. Et là, on arrive à l'effet spécial le plus dégueulasse de tout le film. Il y a Rainbird qui tire une balle et Charlie fait exploser la balle. Oui, parce que la balle est vraiment pas bien faite. Oh, mais non, mais rien n'est bien fait là à ce moment-là. Ouais. Là, cet effet spécial-là est dégueulasse. Quoi qu'il arrive, il sera toujours dégueulasse. Et il devait déjà l'être en 84 du coup. Je pense que déjà en 84, celui-là, oui, on sentait qu'il était cheap. Mais donc, Charlie là va déclencher son Armageddon. Hein. Ouais. Elle va commencer à tout brûler. Ce que lui a dit Andy, de toute façon, avant de mourir, il lui a dit « Vas-y, déclenche l'enfer, montre-leur que c'est la guerre. » Oui, en gros, fais-leur tellement peur qu'ils ne poursuivront plus, quoi. Oui, bah, de toute façon, c'est aussi l'idée qu'elle va tellement tout détruire qu'il n'y aura plus vraiment les traces... Que beaucoup de traces vont disparaître. En fait, elle fait disparaître la boîte, et comme la boîte, c'est une agence aveugle du gouvernement, une fois que la boîte a disparu, c'est un peu dur de remonter la piste. Faut aussi prendre en compte qu'on est avant la période de l'informatique, et que donc, a priori, tous les documents de la boîte sont certainement dans la boîte. Et donc, Rainbird, bye-bye. Ouais. Il y a Charlie qui sort, qui laisse les chevaux partir, parce que, voilà, elle est gentille avec les chevaux. En même temps, ils lui ont rien fait. Effectivement, ils lui ont rien fait. On l'a pas évoqué, mais il y a cette notion du bien et du mal pendant tout le film. Oui, c'est beaucoup quelque chose qui lui a amené à Charlie et qui est à la base du fait qu'elle veut plus utiliser ses pouvoirs. C'est qu'on lui a dit que c'était mal et qu'elle est persuadée de faire le mal du moment qu'elle les utilise. Voilà. Donc, effectivement, elle libère les chevaux. C'est toute une formation au bien et au mal aussi, Charlie, pour la petite. C'est apprendre à utiliser ses pouvoirs. Bah, ça fait très X-Men, hein, de toute façon, au début de super-héros. On l'avait déjà signalé, je crois, quand on parlait du roman, mais c'est un pur roman de formation de super-héros, en soi, Charlie. Totalement, oui. Dans toute la scène où elle va détruire la boîte, en fait, bah là, encore une fois, à la limite, le côté fauché des effets spéciaux me gêne moyennement. C'est-à-dire, oui, on voit que c'est des trucs enflammés qui sont tenus par des fils et qui sont envoyés en ligne droite. Oui, ça se sent. Et ça, ça me gêne pas démesurément. C'est encore une fois plus le côté plan-plan de la réalisation. Ouais, c'est ça. Qui, je trouve, montre que c'est pas suffisamment épique. Ah, est-ce que bon... Les mecs, c'est limite si t'as un projectile, une boule de feu qui leur fonce dessus, ils sont juste là, ils tendent les bras en l'air et bouf, ils explosent quoi. Ouais, et puis globalement, c'est du champ contre champ tout du long. Oui. T'as un plan sur Charlie qui regarde un truc et un plan sur une boule de feu qui va détruire un machin. C'est pas démesurément intéressant, surtout qu'on peut le comparer à un film qui a pas un budget non plus. Infini, qui était le Carrie de Brian De Palma, ouais. Qui, dans la scène assez similaire où Carrie utilisait ses pouvoirs, s'en sortait beaucoup plus brillamment, alors avec des techniques de De Palma, donc avec le split screen, on le connaît, mais ça montre qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus imaginatif pour filmer ça, même sans avoir un budget colossal. Clairement. Et au regret que j'ai toujours, mais ça c'est parce que j'ai lu le roman, donc je peux pas vraiment l'imputer au film, mais je regrette qu'on ait eu aucune version qui reprenne l'idée du lac qui est entièrement asséché par Charlie quand elle arrête d'utiliser ses pouvoirs, quand elle veut se calmer. Normalement elle est censée balancer son énergie dans le lac et totalement le transformer en vapeur tellement il y a de chaleur. Mm. Et c'est donc un truc fait... qui pourrait rendre superbe, je pense, bien filmé. Surtout que ça a été fait plein de fois pendant tout le film, quoi. À ce moment, ça, cette mécanique-là, de l'eau. Oui. Bah, c'est juste que je pense que là, le faire à l'échelle d'un lac, il faut soit être bien imaginatif visuellement, soit avoir un peu d'argent. Et ils n'avaient peut-être aucun des deux à ce moment-là. Et voilà. Mais c'est, tu vois, s'il y avait une nouvelle adaptation de Charlie, c'est une des scènes que j'aimerais bien voir, en réalité. Mmh. Parce que je pense que ça peut rendre un truc assez grandiose sur le plan visuel. Ouais, d'accord. Mais voilà, sinon, on a dit plutôt du mal de SM, mais elle fait le taf, quoi. Pour un truc divertissant de cette époque-là, elle fait le taf. Il y a des bâtiments détruits, c'est toujours sympa de voir ça, quoi. Oui, voilà, et puis, mis à part la réalisation, il y a quand même une ambiance qui est instaurée, hein. Avec la musique qui fait bien le taf, voilà. Bah, comme d'hab, la musique qui paraît un peu en décalage, qui est trop calme par rapport à l'apocalypse qui se déclenche, il y a un truc qui marche bien, qui en effet donne un côté lancinant au pouvoir de Charlie. Ouais. Donc oui, ça marche pas si mal. On est d'accord. Là, alors que y a plusieurs scénarios et le film de 2022 qui s'arrête sur cette apocalypse, là, ça va faire un peu comme le roman, en ayant une espèce de petite conclusion en deux temps. D'abord, le retour de Charlie chez les seules personnes qui ont été sympathiques avec elle et qui sont encore vivantes, donc le couple Menders. Qui l'accueille plutôt bien. Voilà, oui, la scène fonctionne bien, c'est plutôt émouvant. Ouais, c'est ça. Et Drew Barrymore joue bien le mélange de soulagement d'enfin arriver chez des gens qui peuvent l'aider et en même temps de tristesse parce que son père est mort, etc. etc. Mm. Et ensuite, il y a la scène où elle est accompagnée de Irv Menders, mais sinon c'est comme dans le roman, où elle se rend aux locaux du New York Times. Yes. Pour raconter son histoire et pour dévoiler publiquement la supercherie du gouvernement. Ce qui, encore une fois, montre peut-être date le film, d'ailleurs, en réalité, cette confiance qu'il y a dans un journalisme qui va faire son travail et qui va vraiment s'opposer aux saloperies du gouvernement. Là, aujourd'hui, tu vois, je pense que la presse, en réalité, elle ferait partie du même côté que le gouvernement, quoi. Elle couvrirait les trucs. Voilà, sauf certaines, quoi. Sauf certaines. Un scénario en France, on va tu les fais aller à Mediapart, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont un Mediapart aux States ? Ils ont certainement, mais je suis... En fait, sorti des gros trucs, je suis quand même pas super familier de la presse US, hein, on va pas se mentir. Mais oui, il y a des trucs, c'est certain, qui sont peut-être de plus en plus en danger, hein, mais bien. Oui, oui. Mais il a forcément du contre-pouvoir. Ouais. C'est juste que c'est plus les grands journaux officiels qui ont été rachetés par plein de milliardaires et qui maintenant servent le pouvoir, quoi, complètement. Bon, Fox News. Oui, parfaitement. Bah, c'est aussi objectif que CNews, hein. En fait, dès qu'il y a news dans le titre, il faut se méfier. Faut admettre. Si, alors à la limite, j'y pense, mais qui était assez surprenant et en fait assez à l'opposé de beaucoup de films sur le traitement de la presse, il y avait Superman qui avait totalement confiance dans le pouvoir des journalistes. Mais c'est quelque chose qui est devenu plutôt rare, la figure du bon journaliste. C'est le côté, c'est le Daily Planet, quoi. Oui. Comme une grosse figure de l'univers, du lore Superman. Alors après, on n'est pas à l'abri que James Gunn, dans le second, leur tape dessus, on sait pas, hein, on verra. Il ne pourrait pas taper sur tout dès le premier. Je pense qu'il peut aussi traiter du journalisme, des problèmes du journalisme, tout en gardant le Daily Planet qui fait une forme de résistance, tu vois. Je pense qu'il en est capable. Oui. Mais du coup, voilà, Charlie va raconter son histoire et on peut deviner qu'elle va réussir à dévoiler les plans de la boîte. Ou alors que personne ne va la croire, ça, on ne sait pas. Mais le film se termine là-dessus, de toute façon. Voilà. Qui a eu une bien meilleure fin que Rain Bird qui part avec elle sur la plage, hein. Cette fin, quoi, cette fin qui sort de nulle part, c'était tellement n'importe quoi. Donc voilà, bah Charlie, c'était un bon moment. Bah oui, carrément. Comprends pas trop tous ces avis très négatifs autour du film, hein, c'est bizarre. Ouais. Et bah nous, on va peut-être passer à une petite scène si t'as rien à ajouter. Ouais. On va passer à une petite scène. I'm sorry, I'm not quite explaining it right, but this noise becomes anger and the anger is light, and it's burning inside me, would usually fade, but it isn't today, and the heat and the shouting, and my heart is pounding, and my eyes are burning. Très bien, nous allons lire un extrait issu du... on approche du dernier tiers du roman. Charlie et son père se sont déjà fait enlever par la boîte. Et à force de manipulation par Rain Bird, Charlie accepte de collaborer pour faire des expériences dans l'espoir de revoir son père. C'est Chris qui va lire. Je signale juste où est l'extrait dans l'édition France Loisirs. Nous commençons à partir du sous-chapitre 10 de la partie Petit Feu Big Brother et nous allons lire jusqu'à la fin du sous-chapitre 16. Chris ne précisera pas les passages de sous-chapitre parce que ça ferait bizarre. La traduction pour moi est de FM Lennox. Exactement, de mon côté, c'est pareil. Et j'avais déjà fait la blague sur Annie la dernière fois, donc je ne vais pas me répéter parce que je suis original et j'en ai pas d'autres. donc. Pour moi, c'est l'édition Le Livre de Poche. Nous sommes à la page 424. Plus tard, ce même après-midi, ils l'emmenèrent dans une pièce différente. Elle s'était endormie devant la télé lorsqu'ils l'avaient reconduite à son appartement. Son corps était encore assez neuf pour dicter ses besoins à son esprit inquiet et égaré. Et elle put prendre environ 6 heures de sommeil. Ce repos, plus un hamburger et des frites en guise de déjeuner, lui rendirent sa forme et le contrôle d'elle-même. Elle examina la pièce, longuement et avec attention. Le plateau de copeaux reposait sur une table de métal. Les murs étaient en acier industriel véritable, gris et sans ornement. Ce technicien porte un uniforme et des chaussons d'amiante, précisa Hockenstetter. Il était penché sur elle, le même sourire paternel aux lèvres. Le manipulateur de l'Euleger paraissait mal à l'aise et semblait avoir trop chaud. Il était doté d'un masque de tissu blanc pour éviter l'inhalation des fibres d'amiante. Hockenstetter désigna un grand miroir carré placé sur le mur du fond. C'est une glace sans teint. Notre caméra est derrière, et tu peux voir le baquet. Charlie s'en approcha. Il s'agissait d'un vieux baquet à pied, nettement incongru dans cet environnement dépouillé. Il était rempli d'eau. Elle pensa que ça irait. « C'est bien, » dit-elle. Le sourire du psychiatre s'élargit. « Parfait. Seulement vous, vous passez dans l'autre pièce. Je ne veux pas avoir à vous regarder pendant que je le ferai. » Elle l'observa d'un œil impénétrable. « Il pourrait arriver quelque chose. » Le sourire paternel s'altéra un peu. « Elle avait raison, vous savez, » dit Rain Bird. « Si vous l'écoutiez, vous auriez pu y arriver du premier coup. » Hockenstetter lui lança un coup d'œil et grogna. « Mais vous ne le croyez toujours pas, hein ?» Le psychiatre, l'Indien et Cap se tenaient derrière le miroir sans teint. Dans leur dos, la caméra surveillait la pièce et le VCR, Sony, bourdonnait presque imperceptiblement. Le verre était légèrement polarisé, ce qui donnait à tout ce qui se voyait dans la salle des tests une coloration bleutée, comme un paysage qu'on observe à travers la vitre d'un car Greyhound. Le technicien connectait Charlie à l'ELG sur un écran de monitoring placé dans la salle d'observation, s'inscrivait le tracé de ses ondes mentales. « Regardez un peu ces alphas, » murmura l'un des opérateurs. « Elle est vraiment vannée. »« Effrayée, » corrigea Renbird. « Complètement terrifiée. »« Vous le pensez, n'est-ce pas ?» demanda soudain Cap. « Au début, vous n'y croyez pas. Mais maintenant, si. »« Oui, » dit Renbird. « Je le pense. » Dans l'autre pièce, le technicien s'écarta de Charlie. « C'est bon pour moi, » lança-t-il. Orchestrateur poussa un interrupteur à bascule. « Vas-y, Charlie, quand tu voudras. » La fillette jeta un regard en direction du miroir sans teint, et un bref instant se créa l'étrange illusion qu'elle plongeait directement dans l'œil unique de Renbird. L'Indien se retourna, souriant à demi. Charlie McGee regardait le miroir sans teint et n'y voyait rien d'autre que son propre reflet, mais la sensation d'avoir des yeux posés sur elle était très forte. Elle aurait voulu que John soit derrière, cela l'aurait un peu apaisée, mais elle ne percevait en rien sa présence. Elle se retourna vers le plateau de copeaux. Ce n'était pas une poussée, juste une impulsion. Elle y pensa et fut à nouveau effrayée et dégoûtée de sentir qu'elle avait envie de le faire. Elle en avait envie comme une personne affamée et en sueur peut s'asseoir devant un ice cream soda au chocolat et avoir l'idée de l'avaler goulûment et salement. C'était très bien. Mais avant cela, il fallait un petit moment pour savourer. Ce désir lui donna honte d'elle-même. Puis elle secoua la tête, presque en colère. « Pourquoi je n'en aurais pas envie? Les gens veulent toujours faire ce qu'ils font bien. » Comme maman et ses mots croisés, ou Monsieur Douret, le voisin de Port City, qui préparait toujours du pain. Quand il en avait assez pour sa famille, il en faisait pour les autres. Quand on fait bien quelque chose, on veut le faire. « Des copeaux, » pensa-t-elle, un peu hautaine. « Ils auraient dû me donner quelque chose de vraiment difficile. » Le technicien le sentit le premier. Il avait chaud et transpirait dans son costume d'amiante et pensa d'abord que c'était à cause de cela. Puis il découvrit que les ondes alpha de la petite avaient l'amplitude aiguë qui est la marque d'une extrême concentration et l'expression de l'imagination. L'impression de chaleur s'accrut et soudain, il eut peur. « Il se passe quelque chose là-dedans », lança l'un des opérateurs de la salle de contrôle d'une voix aiguë et excitée. « La température vient de s'élever de 5 degrés et son cycle alpha ressemble à une putain de cordière des Andes. » « C'est parti !» s'écria Cap. « C'est parti !» Et dans sa voix vibrait la note triomphale d'un homme qui a attendu des années, un moment qui se présente enfin. Elle poussa de toutes ses forces en direction du plateau. Plutôt que de s'enflammer, les copeaux explosèrent, puis le plateau voltigea, éparpillant son chargement incandescent, et alla cogner contre le mur, assez fort pour laisser une marque sur le revêtement d'acier. Le technicien qui contrôlait l'ELG lâcha un cri de terreur et plongea soudain vers la porte. Ce cri renvoya Charlie dans le passé, à l'aéroport d'Albany, où Eddie Delgado avait poussé le même en fonçant vers les toilettes des dames avec le feu à ses chaussures de l'armée. Brusquement saisie de peur et d'exaltation, elle pensa « Oh mon Dieu, c'est devenu tellement plus fort !» Une ondulation bizarre et sombre était apparue sur le mur d'acier. La pièce se chargeait d'une chaleur explosive. Dans la salle voisine, le thermomètre à affichage digital, qui était passé de 21 degrés à 26, avant de marquer une pause, grimpait à présent au-delà de 32, vers 34, où il allait se calmer. Charlie tourna le feu vers le baquet. Elle cédait presque à la panique. L'eau tourbillonna, puis se mit à bouillonner furieusement. En l'espace de 5 secondes, le contenu du baquet passa d'une température fraîche à une franche ébullition. Le technicien était sorti, laissant dans sa hâte la porte de la salle des tests entrouverte. Dans la pièce voisine, on cédait à une agitation stupéfaite. Orchestrateur mugissait, Cap se tenait bouche bée devant la vitre, le regard rivé au baquet d'eau bouillante. Des nuages de vapeur s'en échappaient et la condensation commençait à embuer le miroir. Seul Renbird restait calme, un mince sourire aux lèvres, les mains jointes derrière le dos. Il ressemblait à un maître d'école dont l'élève préféré vient d'utiliser des postulats compliqués pour résoudre un problème particulièrement assommant. « Va-t'en !» hurlant dans sa tête. « Va-t'en, va-t'en, va-t'en !» Et soudain, cela s'en alla. Quelque chose sauta, tourna à vide une seconde ou deux et s'arrêta tout simplement. Sa concentration se brisa et laissa partir le feu. Elle distinguait la pièce, à nouveau, sentait sur la peau la sueur provoquée par la chaleur qu'elle avait engendrée. Dans la salle d'observation, le thermomètre monta jusqu'à 36, puis redescendit d'un degré. L'eau écumante du baquet revint à un frémissement, mais la moitié au moins s'était évaporée. Malgré la porte ouverte, la petite pièce était chaude et humide, comme un bain de vapeur. Orchestrateur contrôlait fiévreusement ses instruments. Ses cheveux, d'habitude tirés en arrière et coiffés au cordeau, étaient en bataille, rebiquant dans tous les sens. Il ressemblait un peu à un poireau. « On l'a » haletait-il. « On a tout. C'est enregistré. La courbe de température. Vous avez vu l'eau bouillir dans ce baquet ? Bon Dieu ! On a le son ? On l'a ? Seigneur, vous avez vu ce qu'elle a fait ?» Il passa devant l'un des techniciens, pivota, le saisit brutalement au revers. « Dites-moi, peut-on douter un instant qu'elle l'ait fait ?» Presque aussi excité que Hockestetter, le technicien secoua la tête. « Pas de doute, chef, aucun doute !»« Seigneur Dieu !» s'exclama le psychiatre. Il pirouata, reprit son monologue. « J'aurais pensé que quelque chose... Oui, quelque chose. Mais ce plateau, il a volé !» Il remarqua Rembert qui se tenait toujours devant la glace, les mains derrière le dos, ce demi-sourire étonné sur le visage. Pour Hockestetter, les vieilles animosités appartenaient au passé. Il se précipita sur le grand Indien, lui prit la main, la secoua. « On l'a » lança-t-il avec une satisfaction sauvage. « On a tout. C'est assez costaud pour tenir devant un tribunal, devant la putain de Cour suprême. »« Oui, vous l'avez, » accorda calmement Renbird. « Maintenant, vous feriez bien d'envoyer quelqu'un la chercher. Hein ?» Le psychiatre lui jeta un regard vide. « Je veux dire, » expliqua Renbird toujours sur le même ton, « que le type qui se trouvait avec elle a dû se rappeler qu'il avait un rendez-vous, parce qu'il a filé comme s'il avait le feu aux fesses. » Il a laissé la porte ouverte et votre petite pyromane vient de sortir. Orchestrateur leva vers le miroir un regard stupide. La buée s'était épaissie, mais il ne faisait aucun doute que la pièce était vide. Que l'un de vous y aille ! Cria le psychiatre, se retournant. Les 5 ou 6 hommes présents restèrent près de leur appareil et ne firent pas un geste. Apparemment, personne à l'exception de Renbird n'avait remarqué que Cap avait quitté la salle dès que la fillette était sortie. Renbird sourit à Hockestetter, puis son œil unique se promena sur les techniciens, dont les visages étaient devenus soudain aussi blancs que les blouses qu'ils portaient. « Vrai !» dit-il doucement. « Lequel de vous veut aller chercher la petite fille ?» Aucun ne bougea. C'était distrayant, tout à fait. L'idée vint à Renbird que c'était la tête qu'auraient les politiciens quand ils découvriraient que les dés étaient jetés, que les missiles avaient déjà décollé, que les bombes pleuvaient, que les forêts et les villes flambaient. C'est si amusant qu'il ne pouvait qu'en rire. En rire. En rire. Voilà, et maintenant, la même scène dans le film de 84. Bien, Charlie. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Je veux que vous alliez dans l'autre pièce. Je ne veux pas vous voir pendant que je ferai tout ça. Quelque chose pourrait arriver. Regardez, elle est déjà en alpha, totalement concentrée. Est-ce que tout est prêt ? Prenez la suite. Tout est en place ? Oui. Vous êtes tous prêts ? Oui, on est pareil. L'enregistrement. Ça tourne. C'est parti. Parfait, on peut y aller. Vas-y, Charlène. Ils auraient pu me donner plus difficile. Regardez ce qui se passe. La température a augmenté de 10 degrés. La chaleur qu'elle dégage. Elle a réussi! Bon Dieu, elle a réussi et on a pu tout enregistrer! Va-t'en, tu veux. Va-t'en. Va-t'en. La baignoire. Va-t'en. Vous avez vu l'eau bouillir dans la baignoire? Et la température, mon Dieu! Vous avez vu le degré de la température? On a tout. On a tout? Génial! Bon sang, vous avez vu ce qu'elle a fait? Vous avez vu ça? C'est fabuleux! Est-ce que quelqu'un ici doute encore de ses capacités extraordinaires? Répondez! Non, personne n'en doute, chef, personne. Seigneur, je savais qu'il se passerait quelque chose, mais ça, ça me dépasse. Elle a même réussi à contrôler son énergie. Elle l'a renvoyée dans la baignoire, et on a pu tout enregistrer. Ça, j'en crois pas, mes yeux. Cette gamine a réellement un pouvoir, et nous allons nous en servir, croyez-moi. Mais pourquoi est-ce que vous faites cette tête-là? Elle ne l'a fait que parce que vous lui avez promis qu'elle reverrait son père. Oui, et alors? Elle ne doit pas le revoir. Il n'est pas question qu'elle le revoie. Elle n'arrêtera pas de le demander. Supposez que par accident, il réussisse à se retrouver. Où voulez-vous en venir? Il peut lui faire croire ce qu'il veut. Supposons qu'il la persuade de tous nous détruire. Pas de risque. Il y a toujours un risque. Il a raison. Il est impossible qu'il se revoie. Eh bien, vous feriez mieux d'envoyer quelqu'un à sa recherche. Hein? Votre technicien avait sûrement un rendez-vous très important, parce qu'il a filé comme une flèche. Il a laissé la porte ouverte. Votre petite bombe, on a profité pour s'en aller. Merde. Que l'un de vous y aille vite à sa recherche. Alors quoi? Bien sûr. Lequel d'entre vous va chercher la gentille petite fille? Très bien, donc si on a choisi cette séquence, c'est parce que, comme tu l'expliquais, Chris, elle contient pas mal de trucs. Elle permet de voir les tests, elle permet de voir la psychologie de Charlie et son rapport à son pouvoir, et de voir Rainbird. Oui, et même de voir Charlie qui s'amuse elle-même de la situation. Oui, quand c'est ça. Quand elle sous-entend à l'autre qu'il vaut mieux qu'il sorte, parce que bon, elle pourrait aussi lui cramer la gueule. Oui. Voilà. Ouais, elle est consciente de sa puissance, et effectivement, elle a toujours un peu cette hésitation entre y prendre plaisir et avoir peur de son propre pouvoir. Et t'as aussi le fait qu'elle se questionne, bah pourquoi ils m'ont donné juste des copeaux de bois, ils auraient pu donner un truc plus difficile. Oui, effectivement, elle est aussi un peu, bah, on va dire, prétentieuse vis-à-vis de sa propre puissance, mais en même temps, elle a effectivement cette puissance. Et tout est vraiment aussi bien retranscrit, je trouve, dans l'adaptation, pour le coup. Oui. Autant le fait qu'elle soit sûre d'elle, la peur qu'elle instille à tous les membres de la boîte, la confiance toujours de Rainbird, et surtout la passion, on va dire, qu'il a envers elle. Vraiment, la fascination, je dirais même plutôt, qu'il a envers elle. Tout est vraiment très bien transposé, quoi. Oui, voilà, c'est dommage que la réalisation soit un peu plate et ne donne pas suffisamment de puissance à l'incendie des bouts de bois et au moment où elle balance toute l'énergie dans l'eau pour l'éteindre. Ouais. C'est ça. Mais sinon, effectivement, c'est un moment qui est plutôt bien retranscrit c'est plutôt une chouette scène. Dans le livre, on remarque aussi très clairement toute la comparaison qu'on peut faire avec l'arme nucléaire, qui est peut-être un peu moins évidente pour un public d'aujourd'hui. En tout cas, on l'a peut-être un peu moins directement en tête. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, en 1984, où il y avait encore beaucoup de crises autour de ça, ça devait être beaucoup dans les esprits. On se rappelle d'ailleurs, pour parler d'un mauvais roman, que dans les Tommyknockers, il y a énormément la thématique du nucléaire. Donc c'est quelque chose dont King devait avoir conscience, et c'est intéressant de le traiter dans ce contexte-là. De toute façon, je trouve toujours ça assez intéressant, même autour des super-héros, d'aborder la question de comment on gère une telle puissance, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment responsable à laisser une telle force dans les mains d'une seule personne, quand bien même elle en serait pas responsable? Et puis, surtout, tout ce qui est nucléaire, expérience, tout ça, ça s'accorde encore plus à l'époque. On est encore en pleine guerre froide, hein, rappelons-le, dans les années 80. Oui, totalement, oui. Donc, la course à l'armement, tout ça, C'est des sujets qui, aujourd'hui, alors la course à l'armement, malheureusement, est encore d'actualité, mais elle était d'autant plus renforcée à l'époque, quoi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut totalement revenir, en fait, parce qu'il y a un retour de la peur, de l'utilisation des armes les plus puissantes. Oui. Il y a un retour en force aussi de la méfiance envers les différents gouvernements. Ouais. Je pense en réalité que ce genre de thématique va largement revenir. Mm. D'ailleurs, c'est revenu chez King dans un roman, alors qu'il y a quelques années maintenant. Mais l'Institut tournait quand même beaucoup autour de ça aussi. Dont on parlera peut-être un jour. Oui, on attend de savoir comment... Mais voilà, du coup, il y a un truc qui montre bien les différentes personnes impliquées dans ce roman. Et comme on l'avait déjà signalé, une des forces du roman, c'est vraiment qu'il a une galerie de persos très très bien gérée, avec en tête Charlie elle-même. On classe le film ? Ah bah, avec plaisir. Et bah donc, c'est l'heure du classement, mais moi je n'en ai rien à faire, je suis là, je mets les pieds sous la table, puisque le roman a déjà été classé il y a de nombreux épisodes. Est-ce que tu peux quand même nous rappeler la position du roman ? Oui, bah il est toujours dans le top 5, puisqu'il est à la 4e place, après Sagdos, Cimetière et ça. Ouais, donc vraiment un roman qu'on affectionne tout particulièrement. Ouais, alors qu'il n'est pas plus apprécié que ça en vrai, Charlie, il est souvent considéré comme moyen, et je comprends vraiment pas pourquoi, c'est vraiment un roman à redécouvrir. Est-ce que ça fait pas partie de ces romans un peu oubliés, surtout ? Oui, si, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il passe un peu inaperçu au milieu de plus grands classiques. Ouais. Et c'est dommage. Et je pense que le fait que ça soit pas tellement un roman horrifique, est-ce que ça jouerait pas aussi ? Peut-être, mais finalement, il se classe un peu dans la même catégorie que Dead Zone, qui est beaucoup plus réputé. Oui, c'est vrai. Un mystère. Ouais. Bref, je te laisse pour le classement des adaptations. Dans les adaptations, nous avons 110 œuvres classées pour le moment, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Children of the Corn Genesis de Joël Soissons, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Voilà, plutôt crever que revoir cette chose. Le flop 5 n'a pas changé depuis un moment, mais on rappelle quand même qu'au dernier épisode, le Diable des Glaces a intégré le flop 10 à la 101e place. On l'applaudit encore une fois. Ah oui, c'était horrible. Ouais. C'était horrible. Mais là, c'est du feu, pas de la glace. Et si tu mets le feu et la glace, t'obtiens un film publicitaire avec Roger Moore. Et très très bien. Et très drôle. Les bananes. Donc, Charlie, on va pas mal remonter, hein, de toute façon. Oui. Pour le classer. Je sais même plus à quelle place est le Kistemas. À la 73e, je suis juste sur lui. L'adaptation de Charlie par Keith Thomas est à la 73e place et Firestarter sous l'emprise du feu c'est à la 90e. C'est pas très bien. Non, effectivement, c'était même très très nul. Ouais. On peut remonter, hein, on peut remonter. Largement, oui. On peut remonter. Là, tu vois, je m'arrête un peu du regard à la 35e, 36e place et je trouve que Charlie est mieux que La peau sur les os ou Carrie de Kimberly Pierce. Oui, on est d'accord. C'est même mieux que Mangler, hein. On peut aller au-delà de la 30e. Hein. Ouais, je trouve même ça mieux que Running Man, personnellement. Ouais, pareil. Et là, on commence à arriver. Là, ça se complique pour soi. Créature du cimetière, je l'aime vraiment bien. Ouais, là, tu vois, justement, Créature du cimetière, Cat Size, Les ailes de la nuit, là, c'est des films pour moi qui sont vraiment chouettes, quoi. Ouais, ouais, on est sur des productions très sympas. Qui ont... Ouais, on est dans... En fait, on est dans le rayon des productions qui ont des budgets à peu près similaires, voire un peu inférieurs, mais qui peut-être le gèrent un peu mieux. Ouais, je suis d'accord. Et ben, est-ce qu'on dirait pas que finalement, ce Charlie-là, ça serait la porte de sortie du coup de ces petites productions qui gèrent bien. Ouais, si, effectivement. Donc, on peut lui donner la nouvelle 25e place entre La créature du cimetière de Singleton et Running Man de Michael Glazer. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc, une place plutôt honorable pour ce film-là, qui, encore une fois, vous fera passer un chouette moment, malgré ses défauts, malgré sa réalisation qui n'est effectivement pas brillante. Malgré les moments où on sent le manque de budget, on passe un bon moment, il y a un cast sympathique. C'est un film bien ancré dans son époque. Malgré sa photo très pauvre. Oui, voilà, c'est ça. C'est un film de faiseur qui fait tout bien et peut-être rien excellemment. C'est ça. C'est peut-être ça, ce qu'on peut en dire. Eh bien, je vais aller chercher le chapeau pour piocher le prochain. Yes! Je l'ai, et la dernière fois, c'était toi qui avais pris Charlie. Ouais. Donc, c'est à moi de piocher. Parce que, rappelons-le, Charlie est le premier épisode mensuel. Ah oui, effectivement, maintenant, on a un rythme mensuel, puisqu'on aura notre podcast d'Attaque Animale qui viendra remplir l'autre créneau. Voilà. Bon, il y aura peut-être 2-3 cafouillages de rythme au départ, mais ça va venir. Donc, j'agite... J'ai un petit papier. Ah, je suis vraiment heureux parce que je crois que c'est un de ceux que j'attendais le plus. Nous allons parler de Dolores Claiborne, réalisé par Taylor Hackford. Depuis le temps que tu l'attends, effectivement. Et du coup, ça va être l'occasion pour moi et de lire le roman et de découvrir le film, parce que là, je suis totalement neutre sur la question. Ouais, bon, c'est un roman qui n'est pas très long. C'est un roman de 300 petites pages en poche, je crois, environ. Moi, je l'ai en grand. Ça se lit bien. Et voilà, son adaptation par le plutôt talentueux Taylor Hackford, qui nous permettra de retrouver Kathy Bates aussi. Oui, qu'on avait déjà vu avec Misery. Ouais. Donc, on se retrouve dans un mois pour parler de ce roman et de ce film. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky, @Chris-6 The Lost Tales pour moi, sur Blue Sky également. Ouais, j'essaie d'être un peu plus actif sur Mastodon, maintenant c'est aussi Cinéma Archiviste, enfin trouvez-moi, je sais plus mon instance, c'est le bordel. mais on sent le mec qui est calé, quoi. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, on met les liens dans la description, et vous pouvez me retrouver sur YouTube quand c'est bâtard, bloque pas mes vidéos, sinon sur archive.org pour ma vidéo sur JMK. Ah bah tiens, ils vont l'apprécier, tiens. Ouais, c'est ça, ouais, super. De toute façon, ils me rapportent pas un centime, hein, donc ils peuvent aller se faire foutre. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'ils cassent les couilles même aux gens qui monétisent pas, quoi, c'est quand même incroyable. Ouais, et puis enfin, là, c'est vraiment une vidéo de critique, je comprends pas pourquoi ça la bloque. En plus, je dis du bien du film, donc ça fait de la pub à la tour. Enfin, c'est vraiment débile, ça m'énerve. Mais bref, tant pis. Et je commence à réfléchir au prochain projet de vidéo, j'en ai peut-être un, mais un peu ambitieux, auquel je commence à songer, voilà. Yes. Et donc, on se retrouve dans à peu près 2 semaines pour notre nouveau podcast, dans un mois pour Dolores Claiborne, et en attendant, n'oubliez pas... Que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.